Je vais manger maintenant. Los sábados a la tarde llega la colifata. Il est midi maintenant. Si no inventáramos el tiempo, porque ¿cómo lo hacemos para ponernos de acuerdo? El tiempo no existe. Yo digo que vivir sin reloj es la vida. La vida es vivir sin reloj. Pero, doctor, si usted viene solo cuando a usted le parece y hay otro haciendo programa, ¿cómo hacemos? El tiempo no existe y todos los órganos se curan sin operar. Todos los órganos se curan sin operar. Buen apetito, mon. Les troubles de l'intégration, personne ne pouvant se plier au format de sa boîte. Alors moi, c'est le mot suicidé et dépressif. Bonjour, je suis Adama Tran. Adama Tran, Adama Tran, Adama Tran, Adama Tran. Et vous, vous êtes tout le groupe de la radio sans nom. Alors, je ne peux pas citer tous les noms, le prénom, mais tout le monde peut se présenter aujourd'hui parce qu'il y a une nouvelle personne qui est arrivée. Deux personnes, nouvelles personnes qui sont arrivées, donc on peut se présenter. Moi, c'est Adama Tran. Voilà. Enchanté. Adama Tran, Adama Tran, Adama Tran, Adama Tran, Adama Tran, Adama Tran. Rano.4, roue libre, radio libertaire. Bonjour, bonjour à tous. On est ici au plateau sauvage pour ces semaines de la folie ordinaire du 18 au 31. Beaucoup de bruit pour ces semaines. Yes. Ici Marc alias Bipolaire et voilà, on va vous présenter une série de reportages, de débats pendant 4 heures d'émission environ. Je passe la parole à Alfredo. Semaine de la folie ordinaire 2019, deuxième édition, avec Roue Libre, du GEM, de la Vague à l'âme, ils sont là. La radio Bruit de Couloir, la trame. Ouais. Radio Mégalo, du centre social autogéré. Et la Colifata. Radio sans nom, Danière, CATTP Danière, sont là aussi. Alors c'est Marc de la radio sans nom qui vous parle, je suis venu avec ma camarade Véronique. On s'est perdu en venant, mais on est content de vous retrouver. Oui, alors donc on représente la radio sans nom, Daniel, la radio qui sent bon. Bonjour Christophe de Bruit de Couloir et bienvenue à tous pour ce plateau à la parole errante dans le cadre des semaines de la folie ordinaire. Peut-être qu'on va tous se présenter un petit peu, dire... je vais laisser les camarades se présenter, je commence par toi. Ah tiens. Bonjour, je m'appelle Alfredo, je suis parti de la Colifata et de la radio Sandom. Bonjour, je m'appelle Pascal, j'habite à Saint-Denis et je fais partie du GEM de Saint-Denis. Et avec le GEM de Saint-Denis, vous êtes venus assez nombreux, non ? Oui. Et avec quelques instruments de musique aussi. Voilà, on a deux guitares et une dizaine de chanteurs. Donc on est une chorale et on va chanter pour vous. Elle s'appelle comment votre chorale ? Est-ce que notre chorale a un nom particulier ? Non, c'est la chorale des Gémeurs. Gémeurs ou c'était les Gêneurs. Les Gêneurs. Non, les Gémeurs avec un M de j'aime. On continue le tour. Bonjour madame, comment vous appelez ? Madame. Bonjour, je m'appelle Abiba. J'habite. Maintenant, je vais habiter à Saint-Denis-Basilique. Et vous venez de Saint-Denis ? Oui. Bienvenue. On va faire la radio tous ensemble, 4 heures. Merci, jeune homme. Au revoir. Enchanté. Au revoir. À tout à l'heure. Christophe Dujem de Saint-Denis. Christophe Dujem de Saint-Denis. Ça va, Christophe ? Ouais, ça va bien. Joanne, du blog Comme des Fous. Joanne, de, d'où ? De Paris. Et qui anime le blog Comme des Fous. Comme des Fous. Comme des fous.com. Et c'est où, Paris ? Paris, c'est pas loin, c'est au. Tu prends la ligne 9 à Croix de Chabot. Salut à toutes et tous, Lilian, nouvel animateur à la trame depuis peu. C'est mon 18 âge aujourd'hui, d'après Christophe. Voilà. Je passe le micro au gilet jaune de Place des Fêtes. C'est quoi la trame, Lilian ? C'est quoi la trame ? Je m'appelle Lantro Jean-Pierre, comédien, humoriste, clasheur et super chilet chaud du 20e et 19e arrondissement. J'ai l'honneur cool. de vous annoncer que demain, je serai à la manifestation à 14h. Oui, au Châtelet. Venez tous et toutes nombreux pour les logements. Et... super clasheur, je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. Merci. Politicien moyen, la mer, aïe, la mer, aïe, la mer. Politicien moyen, la mer, aïe, la mer, aïe, la mer. Allô ? Moi, je fais partie du GEM, Navagalane, qui est pour s'associer de base, Navagalane, et qui s'appelle la maison de la vague du GEM, la maison de la vague. Moi, je m'appelle François Naldo, mon nom d'artiste est Sorésor, je suis poète, peintre, dessinateur, philosophe, écrivain. Entre autres qualités, je suis physicien de guerre, j'ai fabriqué une bombe à neutron avec l'armée, je suis général de division à la retraite, je suis mathématicien et physicien, voilà. Général, philosophe, général, écrivain. Général, je vais voir ce que vous faites, et c'est magnifique ce que vous faites. C'est très intéressant. J'en parlerai plus tard, je ferai une intervention sur le rôle des GEM et leur multiplication en Ile-de-France et ce qu'ils font. Et votre prénom ? Je disais que François Naldo est pour la pacification au milieu de la folie ordinaire. Lui qui a participé à la bombe à neutrons. Il participe à la bombe à neurones. La bombe à neurones. Bonjour Mustapha, au GEM de Épinay, parce que le GEM, j'aime ça. Thank you. Bonjour, je m'appelle Jérôme. J'ai déjà fait une petite présentation qu'on vous diffusera tout à l'heure, donc je vais pas m'étaler. Je fréquente le GEM, le Vagalam, depuis très peu. J'y étais allé il y a 2 ans, mais les événements de vie sur mon parcours de rétablissement ont fait que j'ai pas pu continuer à le fréquenter. Voilà, c'est pour faire des rencontres, compléter mon emploi du temps. Voilà, tout se passe bien. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui. Merci. Moi, c'est Gérard du GEM de Saint-Denis, animateur. Bonjour tout le monde, je me prénomme Marie et je fais partie de l'association Vagalam dont François vous a parlé. À Paris 20e, rue des Couronnes. Bonjour, moi c'est Yulia, je suis animatrice au GEM de Bondy et je fais aussi partie du collectif La Parole est rentre des mains. Bonjour, je suis Camille, stagiaire psycho au GEM de Saint-Denis. Bonjour, Lucie, animatrice au GEM de Montreuil et à la radio du centre social autogéré de La Parole Errante demain. Dans lesquels chacun peut me voir. Bonjour, je m'appelle Lydia, je fréquente le GEM de Saint-Denis depuis à peu près 2 ans, que je sois en forme ou que je ne le sois pas. Et j'ai monté un café femme avec Clarisse, on se réunit entre nanas tous les premiers lundis de chaque mois. Tout le monde est bienvenu si vous voulez venir nous rejoindre et on discute ou on fait des sorties. Et le GEM m'aide autant que je peux aider les GEMeuses. Merci. Olivia de l'association UMAPSI, impliquée donc dans les semaines de la folie ordinaire. Jean du GEM de Saint-Denis. Mathieu de l'association UMAPSI est aussi impliqué dans l'organisation de ces semaines de la folie ordinaire. Peggy, bonjour. Je fais partie du CATTP Darius Milo. Club Villanova et on est expose juste à côté. Voilà. Parce que peut-être du coup dire qu'il y a en même temps une exposition qui est en train d'être accrochée ou presque fini d'être accrochée. Je vois un tableau là parce que vous parlez de l'exposition, je l'ai en pleine mire, en pleine perspective. Ça me fait penser à une paramécie, un animal unicellulaire. Beau tableau, un peu psychédélique, pas dégueu. Bravo aux artistes de Montreuil. Bonjour, je suis Olivier de la Vagalam, bienvenue à tous. Et puis, on est content d'être là. Faut que je découvre, hein. Moi, je suis pas tout nouveau, mais enfin, je découvre, c'est sympa, c'est cool. Bonjour, je suis Paco. Bah écoutez, certains me connaissent. Je fais partie du GEM de Couronne, de Vagalam, du club Villanova, en partie, parce qu'il y a une autre partie qui ne veut pas de moi. Ils m'ont viré comme un malpropre, soi-disant, je trouve ma gueule. Ils exposent à côté, voilà, regarde, c'est un peu la guerre, mais voilà, je suis là. Vous pouvez pas. Ça fonctionne ? Ouais. Bah moi c'est Véronique, je fais partie de la radio sans nom, on n'est pas très très nombreux à être là physiquement, mais on a des copains qui nous écoutent en direct là, et je suis ravie de participer à cette émission collective. Et nous sommes très contents de te voir, Véronique. Un petit point d'histoire, vous savez, Jacques Ducos, je ne sais pas si vous connaissez, il a été candidat présidentiel en 1965. Ça a été, il est arrivé en troisième position. Et donc, on est la parole est ronde. Et pas loin de la croix à vous, pas Jacques Duclos. Jacques Duclos a été candidat pour le Parti communiste en 1965. Il est arrivé en troisième position. Voilà, c'est une petite histoire. Moi, c'est Jean-Marc. Je fais de l'histoire où j'aime. Voilà. Bon. Oui, c'est bien de dire où on est. Peut-être que quelqu'un après pourra se charger de nous raconter un peu où on se trouve pour tous les auditeurs. Mais je crois qu'on n'a pas fini de faire le tour des présentations. Moi, c'est Joachim, entre autres choses, ancien animateur du GEM de Montreuil. Bonjour tout le monde, moi c'est Franck de l'association Sonic Protest. Et je fais partie aussi de l'aventure Roue Libre sur Radio Libertaire et je confirme que l'émission est bien aussi écoutable sur le site de Sonic Protest en ce moment même. Voilà. Clarisse, animatrice au GEM d'Épinay et puis à la trame. Je ne sais pas s'il reste encore des gens qui ne se sont pas présentés et qui auraient envie. Oui, moi, c'est... Bon, je suis Paloma, stagiaire de la Bagalam. Du coup. Oui, bonjour, moi c'est Benjamin, animateur au GEM de Saint-Denis, et j'ai un petit message à faire passer aux GEMeurs de la chorale. C'est un message de Marcos, qui a travaillé sur la chorale avec nous et qui ne peut pas être là aujourd'hui, donc je vous lis son message. Bonjour Benjamin, je veux croire que tu vas bien ainsi que tes proches et tous les GEMeurs. Moi je vais très bien auprès de ma fille. Salutations amicales à vous tous, signé Marcos. J'emmène le micro se promener un peu parce que la salle est encore plus grande que là où on est. Et il y a du monde encore plus loin qui trafique des bouquins, qui trafique des sacs, des affaires. S'il y en a qui veulent se présenter. Bonjour, moi je m'appelle Marie-Paul et puis je trafique. Alors je trafique plein de trucs, je trafique les nouveaux cahiers pour la folie, je trafique Escapade, le journal du club Vianova, je trafique aussi avec la bouquinerie La Vague à l'âme qui a un stand là à côté. Et puis, dernière chose, on va trafiquer tous ensemble de la terre, si on a qu'on envie tout à l'heure. Julia, moi je viens de mettre en place l'auto-wash. Donc auto-wash, ça veut dire que chacun va faire sa vaisselle tout seul. Donc ça ne sert à rien de ramener les assiettes et les verres au bar. En fait, il faut aller dehors. Il y a des bassines et du liquide vaisselle. Voilà. Parce que c'est vrai que s'il y a de la vaisselle à faire, c'est aussi parce qu'on ne l'a pas dit, mais il y a un petit bar qui est ouvert pendant tout ce temps. Et c'est ça ? Oui, il y a pour l'instant du thé, du café, du jus, voilà. Et puis plus tard, il y aura de la bière et du vin. Parce que pendant les 4 heures d'émission, on pourra aller se désaltérer. Je ne sais pas jusqu'où va le micro, je fais des essais. Je vois quelqu'un à l'accueil. Bonjour, moi c'est Hugues, stagiaire au GEM de Bondy, à l'Ambroisier 93, voilà. Il y en a qui mettent des lumières, mais il n'y a pas de pas à pied. Peut-être par là-bas. Bonjour, est-ce que vous voulez vous présenter ? Bonjour, moi c'est Karim, je suis un GEMeur. Je vous souhaite une bonne après-midi et prenez des bonnes résolutions. Et voilà. Et on peut finir par le petit bar, voir s'il y en a qui veulent dire un mot. Bonjour, moi c'est Mohamed, psychologue GEM de Saint-Denis et d'Épinay. Bon, il y a Cécile qui a la bouche pleine, mais peut-être qu'elle dit bonjour. Et voilà, est-ce que ça serait l'occasion de dire un peu plus de choses sur ces semaines de la folie ordinaire et pourquoi on est là ? Quelqu'un veut raconter un peu plus ? Allez, Olivia. Tiens. Alors pourquoi ? Oh, c'est fort. Les semaines de la folie ordinaire, je vais pas parler longtemps, j'espère que vous compléterez. C'est l'idée, à la même période que les semaines d'information sur la santé mentale, de se réunir pour proposer toute une série d'événements sur la même période. Et ça s'appelle un peu autrement, ce qui permet d'annoncer dès le départ qu'on décale un peu quelque chose. Et en particulier que tout ce qui est proposé dans le cadre des semaines de la folie ordinaire, ça se construit par des rencontres et des gens qui se mettent en lien autour de cette proposition. Et donc d'une année sur l'autre, y a des gens qui reviennent sur la deuxième année ou des nouvelles personnes qui n'étaient pas là l'année dernière. Et on espère que ça va continuer. Est-ce que tu peux un peu, on peut le faire à plusieurs, mais raconter, puisque ça a commencé depuis 15 jours, un peu l'ensemble des choses qui se sont déroulées. Là, on est dans la grande salle de la parole errante pour la veille d'un week-end de rencontres qui conclut un petit peu les deux semaines. Il y a eu beaucoup de rendez-vous dans plein d'endroits. Donc c'était l'idée un petit peu que je pense que tout le monde, tous les gens qui sont là ont beaucoup circulé en région parisienne, entre plein de différents lieux pour participer à des rencontres, des lectures. Il y a eu aussi effectivement, puisque Franck était là, parlait tout à l'heure des croisements avec d'autres temps de réflexion pendant le festival Sonic Protest. Enfin, voilà, je pense qu'on peut prendre un petit peu de temps pour se dire là où on est et dans quelle temporalité on se situe en commençant ce week-end à la parole éante. On va lever la main ceux qui ont été à des trucs, des événements ou des projections, des films, tout ça, pour si vous voulez raconter. Moi, j'étais là le 23. Le 23, on a tenu ici à la Parole Errante une grande réunion, une grande assemblée générale à l'extérieur. Donc, c'était vraiment. Je pense qu'on était peut-être 50 personnes, non, j'ai pas compté, mais on était très nombreux parce que c'était à l'invitation du terrain de rassemblement pour l'utilité des clubs, le TRUC. Là, sûrement, il y a d'autres qui vont compléter. Et donc, le TRUC ainsi que la FEDEX, Fédération des exceptions, les pratiques altératrices. Donc, c'était aussi radio cette journée du 23. Voilà, donc elle est sans doute podcastée quelque part. Donc cette rencontre-là, j'y étais, mais je peux pas parler d'autre chose pour le moment. François ? Oui, moi je voudrais parler de mardi soir, le film qu'on a vu, La moindre des choses. C'était un très beau film, il m'a beaucoup intéressé, il a beaucoup intéressé le public qui était là. On a partagé des opinions différentes, de tout intéressé par le film, dans des perspectives de progression vis-à-vis de l'information qui était fournie. D'autre part, on a vu après, dans la semaine d'après, mercredi, jeudi soir, on a vu ce gamin-là. C'est un film sur les autistes. Alors, les autistres, vous savez peut-être ceux qui ne connaissent pas beaucoup les autistes, mais il y a des gens qui peuvent le connaître par le cinéma. Il y a quand même un film que tout le monde sait, c'est Rain Man, un film à Dustin Hoffman, où Dustin Hoffman récite un complet bottin de téléphone, de mémoire. Est-ce que les gens sont capables de réciter un bottin de téléphone de mémoire? Je ne crois pas. Moi, je me suis aperçu d'une chose, c'est que les autistes ont des capacités à eux qu'on ignore et qu'on doit préserver. On s'est aperçu, lors du débat sur ce gamin-là, que les autistes, on ne doit pas leur donner d'injonction. Pas leur dire, faut faire ci, faut faire ça, faut faire comme ci, faut faire comme ça, les laisser faire. Et ils le font très bien. Moi, j'ai vu un autiste, par exemple, couper du bois dans une forêt. J'ai vu un autiste préparer du pain. Des gens que l'on croirait incapables de rien faire, qu'on a classés comme incurables. Et bon, ils ne sont pas plus incurables que vous et moi. Hein. Ils sont capables de faire des tas de choses. Il suffit d'en apprendre. D'ailleurs, je crois que toute personne est capable de s'améliorer. Je connais des gens qui sont en souffrance psychique, là où j'habite, Maison Relais. Eh bien, moi, je les aide à progresser, et ils progressent à mes côtés, journellement. Eh bien, les autistes, c'est pareil. Et les autistes, on doit préserver leur vie, leur donner le maximum de chances de réussir. Les autistes, c'est des gens qui ont des capacités qui sont diminuées. Ils ne peuvent pas parler comme ils veulent. Certains parlent. Mais beaucoup ne parlent pas. Mais ils s'expriment autrement. Ils s'expriment par les gestes qu'ils font, ils défient par leur attitude, ils défient par leur comportement. Et on doit retenir ce comportement. Je crois que Mustapha, vous étiez aussi à cette projection. J'étais au film de Laborde à Paris 8, à l'université Paris 8. C'est vrai qu'ils ont parlé de la psychiatrie. Moi, je prends des médicaments, je suis schizophrène et ça va beaucoup mieux. Mais quand on dit psychiatre aussi, on dit aussi mieux, aussi aider les gens. Mais c'est vrai qu'il y en a des histoires où ils prennent beaucoup de médicaments. C'est des gens qui sont comme des zombies à l'hôpital et c'est vrai que c'est pas facile. Mais les médicaments aussi, ça peut aider et pas aider aussi. Et ça détruit et ça détruit pas. Mais moi, quand j'ai pris un médicament, ça m'a aussi, ça m'a rendu KO. Ça m'a assommé. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais j'ai vu Marc aussi à la Borde, Marc, le Belge là, et aussi Linda. Après Linda. Et c'est vrai que bon, les médicaments, ça peut aider, mais pas totalement. Mais ça aide comme ça aide. Mais parce que Nice, moi, je sais quand j'étais à Paris, il y en a, il a fait de la prison. Et parce que il a suivi quelqu'un, je sais pas, il a dit c'est que les médicaments, c'est que ça nous drogue. Après, je sais pas si c'est vrai ou pas. Je suis pas médecin moi, mais c'est vrai que faut faire avec des thérapies. Il y a pas de miracle, mais faut faire des thérapies avec les ateliers comme ça ou des thérapies avec la parole aussi. Et aussi des choses qui sont avec les ateliers. Mais les médicaments, pour moi, ça aide. Pour moi, ça peut aider. Ça peut aider et ça. On ne flique pas les gens. Ça veut dire qu'on ne flique pas les gens pour dire oui, les médicaments, c'est pas bien. Mais ça peut. Tout peut aider. Parce que moi, j'aime tout ce qui est coaching, psychiatrie, psychologie. Mais tout peut aider. Et aussi, c'est que avant, je sais qu'ils prenaient, ils prenaient de leur sang pour dans l'époque de il y a des secs et des secs. Ils soignaient avec leur sang, ils prenaient leur sang et ils soignaient avec et ça c'est vrai que c'était à l'époque ça. C'était à l'époque ils soignaient avec leur sang. Ils enlevaient le mauvais sang pour remettre le bon sang, je crois. Il y a une... Avant, c'était dans Des Secs et Des Secs. Je suis pas sûr que ça c'était dans le film. Non, il y a Des Secs et Des Secs. La moindre des choses. Non, on parle de la psychiatrie. François, vous vouliez rajouter quelque chose sur la projection ? Sur la psychiatrie. C'est vrai que les médicaments sont une chose importante en psychiatrie. Ouais. Ils apportent un mieux. Mais les médicaments tout seuls, ce n'est pas une chose valable. Il faut, on s'en aperçoit de plus en plus, que les médicaments soient accompagnés de soins, d'ateliers, d'activités, de sortie, de mise en activité des gens, de responsabiliser les gens vis-à-vis de ce qu'ils font. On développe, et ça aide la personne à se soigner autant que les médicaments. Les médicaments, c'est une chose, mais c'est pas le tout. La partie de soi est une chose très importante. Bon, pour la folie ordinaire, ce n'est pas récent. Je vous rappelle qu'il y avait un bouquin de Bukowski qui s'appelait « Contes de la folie ordinaire » qui a été repris par Marco Ferreri, qui a traité « Contes de la folie ordinaire » et qui traite d'un renouveau à Los Angeles par Bukowski, qui était écrivain et qui vivait à Los Angeles. C'est ça, c'est les années 70. Donc, c'est pas un problème récent. Donc, depuis tant, on aurait pu faire quelque chose. Merci. Oui, non, je voulais rebondir tout à l'heure avec l'histoire de soigner avec le sang. Malheureusement, il y a eu des tas d'exemples dans l'histoire, notamment une femme vampirique qui s'appelait Erzsébet de Bathory. Elle vivait dans un château en Roumanie et elle prenait des bains de sang, le sang de ses servantes. Et pour la punir, on l'a emmurée dans le donjon de son château. Elle a fini ses derniers jours emmurée dans le donjon. Et c'est une histoire qui a inspiré beaucoup d'artistes. Il y a notamment Harry Kummel, un cinéaste belge, qui a fait une adaptation avec Delphine Seyrig, qui s'appelle Les Lèvres Rouges. Voilà, non, mais je ne pense pas du tout que ce soit un exemple à suivre, mais enfin, bon, ça fait partie de l'histoire humaine. Bah, à la Borde, on a vu aussi qu'il faisait du théâtre, qu'il faisait aussi des spectacles, qu'il y avait un psychiatre couturier aussi. parce que tout se passe dans la tête, c'est pas comme dans les films. Mais aussi, c'est qu'on a vu aussi, c'est que à la Borde, on a vu aussi des gens qui faisaient de la cuisine, des crêpes, comme ça, et qui soignaient aussi avec des médicaments naturels et de l'agriculté aussi. Et à la Borde, on a vu aussi, c'est que il y en a, ils faisaient aussi du sport, courir, marcher, se défouler aussi. Il y a une équipe de handball, ouais. Il faut dire qu'on est allé là-bas il y a 2 mois pour faire le avec notre atelier journal. Toi, ouais. Tu veux raconter un peu l'atelier journal ou en tout cas la soirée de vendredi dernier qui était dans le cadre des semaines de la folie ordinaire. On a organisé une soirée à la librairie. Ah oui, il y avait Stéphane qui était parti. C'était coordinateur CLSM à Saint-Denis. Il est parti maintenant, c'est la vie. Mais il y en a un qui va le remplacer. Et on a parlé aussi de journée de la femme, journée aussi de la psychiatrie aussi, je crois. Je crois que c'était. Alors moi, je voudrais vous dire sur le sang, parce que ça va interloquer tout de suite, ça va rappeler quelque chose. Si je m'appelle Saint-Trésor, c'est parce que pour moi, ça fait penser à Saint-Georges. Or, je ne sais pas si vous connaissez la légende de Saint-Georges, mais Saint-Georges, il combat un dragon, il tue ce dragon, le dragon retenait prisonnier une princesse. Pour moi, la princesse, c'est mon âme, comme je me suis intéressé au cas de Saint-Trésor et de Saint-Georges. Et une fois qu'il a tué le dragon, il boit son sang et renaît plus fort. Voilà un exemple de participation au sang. Un exemple qui est connu dans l'histoire. La légende de Saint-Georges est très connue. Il y a même des gravures dans les musées avec des eaux fortes sur Saint-Georges. Alors, je vais juste ouvrir une toute petite parenthèse. Il y a nos camarades Benjamin, qui est un grand technicien audio pour la Colifata, et Magali, son ami, qui nous écoute en direct. Donc voilà, j'espère qu'ils vont boire nos paroles comme du petit lait. Je leur souhaite. Les maladies. Radio Liberté. J'aime bien le j'aime et là tous les mois à Radio Liberté. Ah bah c'est fatigant, j'ai tricoté comme un ouf. 89.4, roue libre. Voilà, on vient d'entendre une capsule roue libre et parmi les voix qu'on a entendues depuis les dix dernières minutes, François nous a proposé un morceau. On va faire une pause musicale. Thank you. France. Morceau, écoutez, c'est un morceau de Franz Liszt. Le premier morceau pour piano de Franz Liszt. Le premier mouvement. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Réveil. Vous pouvez nous joindre au 01 41 11 28 40. Ça fait peur, l'adresse email, groupe radiophonique, anière@gmail.com. Vous êtes donc maintenant passé sur Radio Valkyrie tous les mardis de 14h à 15h15 en direct. Rediff de la radio le jeudi à 21h et le samedi à 10h30. En streaming, Radio Cavalcade sur alsonnet.com/stream/lacolifataNLAC. Après les loups sont entrés dans Paris, ce sont les chevaux qui entrent dans la neige. Vous êtes bien sur Radio Valkyrie, la radio des amateurs de fromage en culotte courte. Soyez les bienvenus sur Radio Bancale, la radio qui aimait même à Cancale. Une nouvelle radio est née, Radio BCG, une radio belle, courageuse et gourmande. Vous êtes bien sur la radio Valkyrie et non pas Vachetiri. Écoutez à alsolnet.com/stream/lacolifataNLAC pour Radio Vachkiri Valkyrie. Bonjour, vous êtes sur Radio Basket. Là, vous pouvez donc nous joindre au 01 41 11 28 40. Merci beaucoup. Écoutons la chevauchée de Valkyrie de Richard Wagner. En fait, c'est un de ses seuls morceaux qui jouait uniquement au corps de chasse. C'était un mec qui avait vaguement les nerfs. Ah. Et voilà, on est toujours à la parole errante au plateau radio des semaines de la folie ordinaire avec Radio Sans Nom, Roue Libre, Radio Bruit de Couloir, Radio Mégalo, La Chorale des Gêneurs et tout un tas de gens des semaines de la folie ordinaire. Et comme Mustapha parlait tout à l'heure de la soirée qui a eu lieu le 22 mars, et oui, donc tout un tas de choses aussi, mais notamment de la soirée du 22 mars qui a eu lieu la semaine dernière dans le cadre des semaines de la folie ordinaire. L'après-midi, c'était des lectures à l'hôpital de jour de Bondy. Le soir, c'était des lectures à la librairie Folie d'Encre à Saint-Denis. Et on a amené une petite capsule, c'est une lecture d'un texte qui s'appelle Famille thérapeutique, paru donc dans les nouveaux cahiers pour la folie, et lu par trois personnes qui étaient justement l'après-midi à Bondy à l'hôpital de jour. Donc on vous laisse écouter ça avant de continuer. Qui s'appelle Les familles thérapeutiques dans les années 60 en France. Alors d'abord les personnages. Willy, les parents thérapeutiques, les deux Patricia, les deux Fabienne, André et Pascal. Les sœurs thérapeutiques, Marie-Hélène, mini-jupe noire courte, Marie-Brigitte, mini-jupe noire courte, Marie-Catherine, Marie-Sylvie, Marie-Ophélie, mini-jupe noire courte. Et frère thérapeutique, Eddy. On fait la... Nous, on va faire la famille thérapeutique. Et moi, je fais Willy. Non, on n'a pas les moyens d'acheter la télévision en couleur des années 60. Moi, je veux aller au magasin. Tu veux j'appelle le gardien ? Moi, je veux aller au marché municipal. Toi, tu vas manger tout seul. Le samedi soir, je veux aller au Cinoche. T'es privé de dessert. En juillet et en août, colonie de vacances en province. Tu veux, les voisins, ils vont appeler la police ? On va à Paris en voiture et en transport en commun. Ou te gifle ? Je veux lire Tintin et Spirou. Ça te regarde personne. À la télévision, j'ai regardé Oscar, Rémi, Toto et Fanfan. Tu veux aller dans la matinée dans la chambre ? J'ai écouté les feuilletons sur la radiodiffusion. Tu veux aller dans la journée dans la chambre ? Dalida et Marie Laforêt dans les années 60 en France. Tu veux aller dans la soirée dans la chambre ? Dans les cafés-bars, j'ai regardé les Scoopitons. Tu veux je te tape devant tout le monde ? Non, je m'en fous. Tu te tais. Dans les années 60 en France, il y a les dessins animés qui fait pas peur. Tu te la fermes ? La guerre d'Algérie, mai 68, l'assassinat du président Kennedy, le premier homme qui marche sur la lune. Mets-lui une gifle ! Evelyne Leclerc, jeune, et Denise Fabre, jeune, c'est la plus gentille. Nous, on n'a pas les moyens d'avoir un autre enfant. Elle est méchante, Sylviane Santarelli, dans les années 60 en France. Dimanche à 11h, tu vas aller à l'église. Ça va durer une heure. La télévision en couleur des années 60, il ne marche plus en 1971. Le dépannage n'a pas réussi de la télévision en couleur. Il n'y a pas d'argent. Moi, j'écoute la radio Géo, l'ORTF et France Inter. Moi, je m'en fous de la politique. Moi, je veux scolariser, je veux aller à l'école. Il n'y a pas d'école le jeudi pour les enfants. Moi, je veux voir ma copine d'école, Isabelle, jeudi. Thank you. Toy Pater 24 Resisto. Le ciel est bleu. Vendonné. Allô, allô, oui, alors toujours ici Bipolaire en direct des semaines de la folie ordinaire. Vous êtes tous là? Yes, alors il y a Jean-Marc du Vagalame qui va nous lire un petit texte là prochainement, et puis après on va entendre la chorale des gêneurs, des gêmeurs. Gêmeurs, gêneurs. Voilà, à toi Jean-Marc. Par rapport à la personne qui est passée tout à l'heure, qui a parlé la sorcière, je voulais simplement dire que maintenant, il y a des maladies qui ne sont pas guéries, comme la leucémie et le sida, qui sont des cancers du sang. Voilà, bon. Autre chose, un texte. Parole errante, tu vas où? Pour l'argent ou pour la menthe? Arrêtez là tout. Parler pour ne rien dire, c'est encore en délire. Entrez chez vous, entendez-vous ma voix, et j'ai besoin de la voix qui m'emmènera chez toi. Tu m'emmèneras 100 fois. Où tu m'y laisseras, et je serai de retour chez moi, comme on est d'ici-bas, pour vivre avec éclat une radio sans nom. Est-ce une bonne station? Vive les poumons et vive les chansons. Les insectes sont dans les sectes. Alors, autre chose, tu rappelles qu'au Venezuela, il y a une langue qui est parlée par les Amérindiens qui s'appelle le caca. Merci. Merci à toi. Eh bien, on est dans le grand hall, toujours dans le grand hall de la parole errante. Johan, tu voulais... je te laisse présenter peut-être ce qui se trame ici, là où on est dans ce hall. Oui, donc on est toujours en direct de la parole errante à Montreuil pour ce plateau radio qui réunit plusieurs radios d'Île-de-France, dont la radio sans nom, Roue Libre, Bruit de Couloir et la radio du lieu où on est, Radio Mégalo. Et donc là, on va accueillir une chorale avec grand plaisir. La chorale nous vient de Saint-Denis, Et elle s'appelle, on n'est pas sûr, mais on a entendu Gêneur et Gêmeur. Les Gêneurs. Même s'il y en a qui sont dissidents et qui veulent s'appeler Gêmeur. Voilà. Gêneur. Ouais, Gêneur. On les laisse s'installer. Il est quelle heure? J'ai l'heure. J'ai l'heure? Non, j'ai pas l'heure. Non, j'ai pas l'heure, moi. 15h30. En direct de donc sur la fréquence de la Colifata France et aussi sur sonicprotest.com apparemment. Donc on va atteindre plusieurs milliers de personnes avec votre chanson. Ouais. Pascal, tu veux nous présenter un petit peu la chorale ? Alors en fait, moi je ne sais pas tout. En fait, je ne sais pas tout parce que je suis nouveau à Saint-Denis et dans le 9-3 en général. Et à la chorale de Saint-Denis, donc je suis là depuis l'année dernière. La chorale de Saint-Denis, la chorale des Gêmeurs, du Gem de Saint-Denis, on répète une fois par semaine. On choisit des chansons populaires, des chansons simples. On se produit de temps en temps, à droite, à gauche. On s'est produit avec Festoche in the Garden. Dans un café à Saint-Denis, c'était la table ronde. Avant, il y avait eu d'autres événements. Il y avait aussi eu la fête de Saint-Denis. Et avant mon arrivée, d'autres choses que je ne connais pas. Il y avait une participation aux Folies Ordinaires, aux Semaines de la Folie Ordinaire l'année dernière, ici même, avec Radio Sans Nom, si je me souviens bien. Voilà. Et à la fin du mois de mai, on va jouer dans les Alpes avec... tout un groupe de personnes qui vont venir de la région et de toute la France dans les Alpes, passer quelques jours. Voilà. Et là, on vous écoute. C'est pas fait pour qu'on chante tout seul. Hein. Oui, vous pouvez participer. Donc, chez vous, préparez-vous. D'actualité. Je disais une chanson d'actualité. Ça Ça marche ou pas? On peut même enchaîner si vous voulez. Ouais. Est-ce que vous êtes chaud pour qu'on enchaîne? Ouais. Une deuxième chanson. On chante le métèque. Oh là là. Ça marche. Une deuxième. Laisse-moi le faire. Une deuxième chanson. Le métèque de Georges Moustaki, puisque nous sommes tous des étrangers sur cette terre et nous sommes tous de passage. La gueule de métèque, de juif errant, de pâte grecque, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'heure de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont plié dans le jardin. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé et mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de bétail, de juif errant, de pâte grecque, qui vend leur vie de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portent jupons. Avec mon cœur qui a souffert, souffrir autant qu'il a souffert, sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui a plu, la chambre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâte grecque, et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai d'un douce captif, mon âme sœur, ma source vie, je viendrai boire tes vingt ans. Et je serai prince de sang, éclair ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Tous les troisièmes lundis de chaque mois de 18h à 19h. Couloir, couloir. Sur fréquence Paris pluriel. De 18h à 19h. Fréquence Paris pluriel. Fréquence Paris pluriel. Bruit de couloir 106.3. Alors oui, bonjour Cécile. Et donc Pardon. Bonjour. Donc, première question, donc, qu'est-ce que tu penses de l'accessibilité au sens large, l'espace public, dans ta vie quotidienne? Comment tu observes, est-ce que tu observes certaines choses qui te touchent? Voilà, à toi la parole. Bah, en général, je trouve que l'accessibilité, bon, en tout cas dans la zone où j'habite, hein, qui est Île-de-France et Paris, elle est assez bonne. Par contre, s'il y a quand même une chose qui me dérange, pas mal, c'est qu'il y a souvent des rues où les trottoirs sont très, très étroits et ils ont quand même fait des espaces de parking pour les voitures et ça je trouve ça très incommodant. J'ai une rue près de chez moi, j'habite d'ailleurs Porte de Versailles, où je suis obligée toujours de marcher au milieu de la rue parce qu'il n'y a pas assez de place sur les trottoirs, parce que les trottoirs sont trop étroits et il y a plein de voitures, il y a des voitures des deux côtés. Donc je sais que le problème du stationnement est difficile et compliqué pour les voitures, mais à ce niveau-là, je trouve voilà, il y a beaucoup de surtout dans les zones métropolitaines, il y a beaucoup d'endroits, de rues qui sont trop restreintes, qui devraient pas être permises au stationnement des voitures et qui devraient laisser un plus large accès, privilégier l'accès aux piétons. Après, si je me mets à la place de personnes qui sont handicapées, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a quand même pas mal de trottoirs qui sont. La fin des trottoirs, là, qui sont. qui sont bien construits. Donc ça, je trouve ça bien. Moi, ça me concerne pas particulièrement, mais c'est vrai que quand j'avais ma fille qui était en poussette, c'était hyper pratique d'avoir ça. Oui, parce que toi, tu as une fille, donc tu trouves qu'en fait, il y a beaucoup de... C'est un peu encombré, quoi. Voilà, certaines rues, je trouve, sont beaucoup trop encombrées. Et les trottoirs tellement restreints qu'on est obligé souvent de marcher dans la rue. Donc avec notre petite fille, ben, on marche dans la rue, mais c'est vrai que c'est plus dangereux. C'est dangereux de marcher dans la rue. Mmh. Donc parfois, c'est des rues qui sont pas très... Il n'y a pas beaucoup de passages, mais quand même, quoi. Moi, je préférais marcher tranquillement sur le trottoir. Donc, Et est-ce que ça te met, toi et ta fille, en insécurité? Est-ce que tu verrais des solutions par rapport à ça? Ou est-ce que tu as vu des... Est-ce que tu as des idées? Oui, la solution, c'est moins de voitures. Donc, c'est avoir moins de voitures. Alors, je trouve que d'augmenter les places de parking, pour moi, c'est évidemment que c'est une solution. Mais ce n'est pas prendre le problème à la racine. Le problème à la racine, c'est qu'il y a trop de voitures. Comment on fait pour diminuer? Il faudrait faire une énorme campagne de sensibilisation auprès des gens et vraiment fermer certaines zones, privilégier certaines zones pour qu'elles soient interdites aux voitures ou très limitées. Parce qu'augmenter le parking ou faire plus de places de parking souterraines, il apparaît déjà un trou de souris. Moi, c'est la meilleure solution. Pour moi, c'est vraiment sensibiliser et développer tout ce qui est partagé, covoiturage. Vraiment, travailler énormément là-dedans pour qu'on puisse se déplacer. Moi, par exemple, qui n'ai pas de voiture, j'aimerais bien pouvoir avoir accès facilement à un système de covoiturage, mais je n'ai pas. Je ne sais pas vraiment si ça existe, en fait. Et donc, tu vis dans le Vers-Porte de Versailles avant, Vin, et concernant les loisirs, en général, la culture, est-ce que tu dans cette zone de Paris, est-ce que tu es satisfaite? Est-ce que pour toi, ça répond à une demande qui est un plaisir? Ou est-ce que tu verrais des choses un peu à modifier de ce côté-là? Alors, ça peut concerner les lieux où tu vas ou même les gens que tu rencontres. Dans ma zone, je trouve qu'on est, on n'est pas hyper privilégié. Je trouve qu'il y a énormément de, au niveau culturel, que ce soit pour enfants ou adultes, et quartiers qui ont des projets collaboratifs ou des projets culturels. Et c'est beaucoup plus développé dans ce qui est nord-ouest de Paris. Et moi, je veux vraiment dans le sud-est. Donc, ce qu'on a beaucoup dans le sud-est, quand même, c'est des parcs et des forêts. Donc ça, c'est très appréciable. Le parc de Saint-Cloud, l'île Saint-Germain, beaucoup de zones qui se développent. Mais c'est vrai que c'est plus des zones, j'allais dire industrielles, pas vraiment, mais avec des entreprises. Ça manque quand même pas mal dans notre zone, des espaces culturels. Ça manque énormément. D'accord. Et dernière question, alors, accessibilité, espace public, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Est-ce que c'est lié à des notions qui concernent, selon toi, puisque tu parlais des voitures et du piétonnier, et tu parlais des personnes handicapées, est-ce que ça évoque, selon toi, seulement une difficulté qui a trait aux personnes qui auraient des problèmes lié au handicap, hein, ou est-ce que ça concernerait tout le monde, en fait? Ah non, ça concerne absolument tout le monde, parce que moi, je vois quand il y a beaucoup de trottoirs, beaucoup de... les passages ne sont pas très, très bien indiqués, ou c'est désagréable, de toute façon. Donc non, c'est pas, je pense que ça... Moi, je parlais de ces trottoirs qui sont faits comme ça, parce que même si je n'ai pas vraiment de personnes handicapées physiques autour de moi, je suis sensible et je me dis que c'est vraiment quelque chose de bien que la ville et le département aient pris ce problème en compte. Mais non, je trouve que y a encore beaucoup à faire pour faciliter la piétonnisation, faciliter le fait que les gens se promènent et puissent accéder d'un lieu à l'autre sans prendre de voiture ou... par exemple de banlieue à banlieue, par exemple, c'est toujours terrible, les transports de banlieue à banlieue, il faut qu'on retourne sur Paris pour revenir sur... Donc ça, c'est des choses, je trouve, développer un plus l'accessibilité, la piétonnisation de certaines zones pour aussi permettre que les gens soient plus en relation, soient plus et plus envie de se parler que d'être dans cette voiture ou enfermés dans leur musique, là, dans leur portable et tout ça, quoi. Ça va mieux en France, a dit le chef d'État. Alors, est-ce que ça va mieux en France? On en débat dans la deuxième partie, juste après le journal. Voilà, ça va mieux en France par rapport à l'accessibilité. Oui, non. Deux. Alors, moi, j'ai voulu donner la parole aux gens de ce point de vue-là, aussi bien dans les GEM qu'en dehors des GEM, parce que justement, je me suis interrogé sur l'espace public quant au handicap au sens large. Donc là, on a entendu le témoignage. J'ai interrogé un proche de ma famille, qui est ma sœur, en fait. J'ai trouvé intéressant de voir un peu comment elle percevait les choses. Je ne sais pas si d'autres ont des choses à dire là-dessus, mais j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de points de vue différents sur la question. Alors, moi, ce que ça, par rapport à notre sujet et au contexte dans lequel on est, je réfléchis plus en termes de handicap psychique, parce que là, on a entendu une capsule sur le handicap physique, mais le handicap psychique, c'est l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap psychique, c'est difficile à cerner comme sujet, en fait. Moi, je pensais l'accessibilité dans ce sens-là, ça serait comment on accède à la parole. Par exemple, est-ce que parler dans un micro, c'est accessible, c'est facilement accessible? Est-ce qu'on est tous capables ou on a tous la possibilité de parler dans un micro? Et aussi, l'accessibilité, ça peut aussi être le fait d'accéder à des espaces dans la ville, en fait, pour des personnes en situation de handicap. Comment elles accèdent aux activités sociales? Est-ce qu'il y a, il y a des espaces comme les GEM et tout ça, mais est-ce que la ville est accessible pour les personnes dites en situation de handicap psychique? C'est ça ma question. On parlera tout à l'heure de l'atelier d'écriture, parce qu'en fait, on proposera un thème sur la ville. Et donc, ça résonne vachement avec ta démarche, Marc. Oui, sur qu'est-ce qui est accessible? Enfin, la question du handicap psychique que pose Johan, c'est est-ce que, par exemple, la distance, les transports en commun, tout ça fait que c'est pas... Même en étant dans une grande ville ou à proximité d'une grande ville, les choses peuvent paraître très loin et du coup inaccessibles. Se déplacer seul, c'est pas toujours tout le temps une évidence. Sortir de chez soi pour aller quelque part, si c'est très loin, c'est pas forcément une évidence. Et puis aussi sur accessible, je pouvais pas m'empêcher d'en être accessible. Je sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase. Parfois on dit que les fous sont inaccessibles, et que c'est quelque chose que je crois pas du tout. Oui, moi j'ai une question. Moi je suis handicapée. Hein, et j'y vais quand même au boulot. Tu as accès à tout. Et je me débrouille comme une grande. Même si je suis handicapée, je me débrouille comme une grande. Je vais même au GEM. Et je fais beaucoup d'efforts. Hein. Et j'ai mal à ma jambe, mais je fais beaucoup d'efforts. C'est qui a ça? Il n'y a personne. Et en plus, je travaille. Attends. Je travaille en plus. Je me réveille très très tôt. Non, très très tôt et c'est pas marrant. Comment on vous appelle? Habiba. Habiba Bouaziz. Oui, alors moi, Marc, je trouve que c'est vrai que c'est possible quand on a un handicap de se débrouiller tout seul. Mais d'abord, il y a différents types de handicap. Il y a le handicap physique et le handicap psychique, hein, invisible. Alors moi, des fois, je me sens en capacité de travailler, mais parfois, je me sens pas dans cette capacité. J'ai mes limites, en fait. Et alors j'emploie le mot d'accessibilité dans mon petit reportage, c'est un mot barbare un peu, hein. Mais parce que je n'ai pas voulu stigmatiser en disant voilà, qu'est-ce que vous pensez des handicapés? Non, parce que je pense comme Abiba que les personnes handicapées ont des capacités de travailler, peut-être pas autant que celles normales, mais au fond j'ai pas voulu stigmatiser cette question, ni autour du domaine professionnel. Enfin, pas autour du domaine professionnel, en tout cas, mais dans la vie de tous les jours, dans un espace de plus en plus sécurisé, comment nous tous, on vit... je pense qu'on ne vit pas très bien, en fait, nécessairement. Excusez-moi, comment tu t'appelles ? Marc. Marc, moi, je suis handicapé à l'âge de 8 mois. Ah, oui, alors, ça fait très tôt, alors. Moi, tout à fait, ouais. Ça fait 8 mois, je suis handicapé, et ma mère, elle s'est occupée de moi depuis... De plus que j'étais toute petite. Alors, bon, moi ça fait pas depuis 8 mois hein, que j'ai des fragilités à l'âge de 8 mois. Après, est-ce que ça fait une différence pour toi? Je sais pas, est-ce que tu as été habitué à être autonome? En tout cas, oui. Moi, ça m'est arrivé quand j'avais 25 ans, ça m'est tombé dessus comme une enclume. Hein. Il a fallu que je refasse toute ma vie, en fait. Oui, toi, j'aurais préféré que ça m'arrive à la naissance, presque. Hein. Oui, mais moi, la partie gauche, là, je l'ai vraiment touchée. Hein. Oh oui, mais je suis d'accord. Ça m'a vraiment brisé le cœur. Hein. Ouais. Mais alors, je vais juste dire, est-ce qu'on peut comparer un handicap, j'ai entendu ce que tu as dit, physique et psychique, hein, parce que c'est pareil, tu as le cerveau brisé aussi, hein, un handicap psychique. Oui, hein. J'ai le cerveau brisé, hein, parce que d'être handicapé, c'est pas évident, hein. Ben non, pas du tout. Il y a quelqu'un d'autre qui veut participer. Ouais, je voulais revenir sur l'accessibilité pour le handicap psychique. Enfin, à mon avis, l'accessibilité, elle doit être pour tout le monde, peu importe qu'on soit handicapé ou pas. Je veux dire, qu'on se considère ou pas handicapé d'ailleurs, enfin, peu importe. Mais là où je voulais en venir, c'est tu parlais tout à l'heure d'un monde de plus en plus sécurisé. Et moi, c'est pas un monde sécurisé que je vois, c'est un monde sécuritaire. Et s'il y a bien quelque chose qui me rend les espaces inaccessibles, c'est soi-disant la vidéoprotection, les vigiles à l'entrée des magasins. Enfin, moi, j'ai des comportements qui pourraient être qualifiés de bizarres, parfois. Et ça, aujourd'hui, c'est complètement tracé, repéré par les nouvelles caméras de vidéosurveillance couplées à l'intelligence artificielle. Enfin, à mon avis, la dimension sécuritaire rend le monde de plus en plus inaccessible aux plus faibles, quoi, voilà. Oui, je voulais te poser une question, s'il te plaît. Moi, je suis handicapée, et t'as vu comment je suis en train de souffrir? Ben, je conçois que tu souffres, ouais, chacun et souffre. J'ai pas voulu être handicapée. Ah ben, personne, je crois que personne ne veut souffrir, hein. Voilà, et je suis handicapé comme tout le monde. Edouard, ah non, il est ici. Tiens, vas-y, parle. Merci, Jean. Bon, pour moi, c'est que je suis... Bon, j'ai eu depuis l'âge de 12 ans des problèmes de colonne. Vertébrale. Bon, c'est que j'ai un handicap. C'est que je ne peux pas rester trop longtemps debout. J'aime pas trop le mot handicapé. Comment qu'il faut que... Oui. Comment? Comment il faut le dire? Comment on dit... regarde, moi, j'ai la partie gauche, elle est paralysée, et j'essaye de me débrouiller. Je sais pas comment on appelle. Comment nommer, c'est oui, ça? Qu'est-ce que vous pensez? Je pense qu'Edouard, vous avez le micro, Edouard, vous voulez parler? Ah, vous vouliez parler d'autre chose, alors est-ce que je laisse juste un Olivia. Petit Olivia qui voulait peut-être donner une réponse à ce qui venait de se dire. Le mot handicap, il fait bizarre pas mal de gens. On rappelle parfois que être reconnu handicapé, ça ouvre des droits. Donc de ce point de vue-là, la reconnaissance d'un handicap ouvre des droits, des compensations éventuellement. Donc de ce côté-là, ça vaut la peine d'avoir la reconnaissance du handicap. Mais oui, bien sûr, un handicap, il y a des gens qui disent il faut mieux dire qu'on est en situation de handicap, c'est-à-dire que si vous êtes dans un fauteuil roulant et qu'il n'y a pas la rampe pour accéder dans un endroit, ben là, en effet, vous pouvez pas... Voilà, il manque quelque chose. Donc là, vous allez vous souffrir de ce handicap parce que le fauteuil, il passe pas là. Mais quand vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, même si vous êtes en fauteuil, on s'en fout à ce moment-là. On n'est pas handicapé dans sa parole ou dans sa... Voilà, quelqu'un qui est en fauteuil, il est en situation de handicap quand il y a des difficultés. S'il y a devant un escalier, il est en situation de handicap. Mais le reste du temps, ben... pas. Et après, sur la question du handicap psychique, je dirais juste ça à nouveau. La MDPH peut délivrer des choses pour avoir... Ça ouvre des droits. La maison, voilà. Au-delà de ça, on n'est absolument pas obligé de s'identifier ou de se dire ou de se croire ou de... etc. C'est un peu évident ce que je dis. Mais... C'est ça ? Oui, moi, je réponds à la demoiselle là-bas qui disait qu'elle cherchait le mot pour handicap à la place de handicap. Je dirais que c'est une souffrance physique. Oui. C'est une souffrance physique. Oui, maintenant. Bon, ben alors, bonjour, moi c'est Albert. Ce que j'aurais voulu essayer de faire rentrer comme notion par rapport au. Par rapport à la société telle qu'elle nous visionne, enfin elle nous regarde, elle nous, comment dire, nous dévisage. Il y a une situation où l'humain derrière, il n'est pas reconnu en tant qu'humain. Et cet humain qui est derrière, qui a certainement un handicap ou qui a certainement une eu énormément de souffrance dans sa vie, peu importe si ça soit physique ou psychologique, mais les souffrances, elles ont été là. Et dans la situation de la société telle qu'elle est, il y a un manque de reconnaissance, aussi bien d'un point de vue financier que d'un point de vue identité en tant qu'être humain. Et cette identité... Elle n'est plus regardée, elle n'est plus vue. On ne voit plus l'homme, on ne voit plus la femme qui est derrière cette identité. On voit des chiffres, des zéros, combien que ça va rapporter, comment que la société va les prendre en charge, comment on va devenir. Et je pense qu'il y a un manque, mais un manque flagrant de spiritualité dans ce monde qui est d'aujourd'hui, qui fait que je me rends compte, en étant très observateur, que, par exemple, ils sont en train de refaire tout Paris et ils sont en train d'élargir les trottoirs, mais il n'y a aucune courbe harmonieuse. Les passages pour piétons, ils sont pas alignés, ils sont de travers. Il y a l'amour du travail bien fait n'est plus là. Ça part à l'économie, c'est-à-dire on fait au mieux avec le moins de dépenses possibles, et c'est complètement, tout est de travers dans ce monde. Et je pense que le monde, non seulement il est fou, mais il devient fou parce que on ne regarde plus l'humain. Il n'y a plus de cette spiritualité qui devrait être primordiale, voire avec son cœur, voire avec toute son intelligence, qui fait que derrière, c'est l'humain qui est l'altruisme. Il n'y a plus cette chose-là. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis profondément malheureux de cette situation. Je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait. Oui. Aline et Samantha viennent d'arriver, dernière. C'est un peu loin d'ici. Et par rapport à la question des handicapés, pas handicapés et tout ça, et si vous me permettez de raconter, vous m'avez appelé plusieurs fois et moi je me sens handicapé pour pouvoir donner l'information précise pour vous aider à arriver ici. Entre autres, parce que j'ai une difficulté avec la langue et je ne connais pas très très bien. Mais finalement, vous êtes arrivé, grâce aussi à notre collègue de Roues Libres qui a vous aidé. Ça veut dire que aussi la question d'handicapé ou pas handicapé, c'est relative aussi à l'autre, à mon avis. Et on devient plus ou moins handicapé aussi en fonction de ce que l'autre il peut faire avec nous. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, Aline. Moi, je pense que moi, déjà, d'une, je me présente, je m'appelle Aline Morand, je travaille dans l'ESAT. Et le fait de, je travaille depuis 3 ans en ESAT. Et c'est vrai que avant, je travaillais en milieu ordinaire. Je travaillais dans un restaurant qui s'appelle le Petit Poussé. Et j'avais pas de problème particulier de santé. Mais ce que je trouve dégueulasse, c'est qu'on est dans un environnement où on est suivi par des médecins qui pensent plus à leurs besoins financiers qu'à la santé du malade. Et moi, je trouve ça vraiment dégueulasse parce que ma situation en ce moment me permet de pas. Enfin, je suis en arrêt à cause d'une personne qui a pas su admettre qui m'a fait que des problèmes au travail, enfin un harcèlement, qui dit que je l'harcèle alors que c'est pas vrai. Et moi, je pense qu'il faut être fort, même en milieu protégé. Entre nous, on n'est pas forcément très gentil. Et je pense que les médecins doivent prendre en considération, et même les gens des établissements, des ESAT, doivent prendre en considération la personne et l'humain tel qu'il est. Moi, je dirais que la société d'aujourd'hui, elle est faite pour nourrir tout ça. Donc, si on veut changer ça, d'un premier point de vue, nous devons passer au niveau d'être responsable pour pouvoir changer ça. Parce qu'il y a des moyens de changer ça. Mais il faut un peu rechercher, creuser la question. Si on ne creuse pas la question, on reste la proie. Parce que le système, il est fait pour se nourrir, pour vivre. Avant la Seconde Guerre mondiale, nos parents, nos grands-parents mangeaient bio, naturellement. Après la Seconde Guerre mondiale, la société a établi une nourriture pour s'enrichir, quoi. Ce qu'on mange, c'est des conserves, des choses mâles qui nourrissent la société, quoi. Et donc, on doit se mettre responsable. Une fois qu'on devient responsable, on peut changer la situation. Mais si on met la faute toujours sur l'autre, on ne peut pas s'en sortir. Il faut devenir responsable pour pouvoir changer la situation. Voilà. Merci pour ton témoignage. Moi, je voulais rappeler qu'on était à La Parole Errante et que c'était un lieu accessible qui va être ouvert tout ce soir pour une fête, un bal, et puis ce week-end pour des débats, des expositions. Il y a une projection aussi ce soir, j'ai pas le programme sous les yeux, mais bon, il y aura plein de choses. C'est 9 rue François de Berg à Montreuil, métro Croix de Chavaux. Et donc ce soir, oui, il y a un vernissage de l'exposition à 18h30. Et je voulais aussi dire par rapport à ce débat qu'on participait tous les uns les autres à différents lieux et on essayait aussi de se réapproprier un petit peu des espaces, des activités, des ateliers, des outils pour justement se rendre responsable et puis défaire un peu ces catégories où peut-être on nous met trop souvent. Voilà, peut-être enchaîner sur une dernière intervention. Ouais. Oui. Ben, c'est Albert, je voulais revenir là-dessus parce que il me semble bien que la société, elle marche à l'envers et tout va à l'envers en ce moment. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont la main sur l'économie, c'est des gens qui sont là pour profiter des situations et non pas, comme je disais tout à l'heure, voir l'humain et... ils ne prennent pas en considération que les besoins de cet être humain, s'il a un handicap, eh ben, elle, cet handicap doit lui, en regardant l'homme qui est derrière ou la femme qui est derrière, eh ben, faire en sorte qu'il puisse vivre de façon harmonieuse et de façon pleinement dans ce monde. Et si on ne le fait pas, je pense que dans ce sens-là, c'est que le monde s'y tourne mal parce que c'est des gens qui sont vraiment très très mal dans leur tête. Ce sont des dirigeants qui sont vraiment très très très... je ne sais pas ce qu'ils sont exactement, mais en tous les cas, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas d'harmonie, il y a quand même un grain de folie quelque part. Voilà. Moi, en parlant du travail, j'ai déjà travaillé. J'ai pas travaillé en France, mais j'ai travaillé au Maroc. Et ça m'a plu et j'ai fait soudeur. J'ai fait soudeur. C'est quoi ça ? Soudeur, c'est avec les... couper des trucs en bois. Non, pas des trucs en métal. Couper des trucs en métal. Et c'était bien, ça m'avait plu. Pourquoi pas faire une formation ici de soudeur ou une autre formation, mais ça m'a plu vraiment. Combien de temps vous avez travaillé ? Soudeur ? 2 semaines. J'ai travaillé 2 semaines là-bas. Et l'expérience d'avoir devenu travailleur ? Oui. Ça a été comment pour vous ? Ça a été compliqué pour moi. Ça a été trop compliqué. Parce que ça se passait pas très très très bien. Donc après, le patron m'a dit vous êtes viré parce que vous tapez le collègue. Voilà. Vous faites n'importe quoi, donc voilà. Vous êtes viré. Je vous reprends plus au travail. Et puis voilà. Et alors, et qu'est-ce que vous avez pensé de ce qu'a dit votre patron ? Hein ? J'ai pensé qu'il avait raison parce que c'était trop dur pour moi. Je regardais l'autre comment il travaillait et moi j'avais du mal à faire comme l'autre. L'autre il était plus malin que moi. Il m'aidait de temps en temps, mais c'était trop compliqué pour moi. Et comment nous pouvons imaginer en vie de travail pour vous ? Imaginer en travail ? Oui. Oui, ça peut se faire, mais pas en travail qui dure toute la journée, parce que toute la journée, ça m'imprime pas dans ma tête. J'ai du mal à imprimer des choses, ce qui se passe au travail dans ma tête, et j'ai du mal à les faire. On va imaginer votre travail idéal. Mon travail idéal ? Travailler en ESAT. Pour faire ? Mais pour faire ce qu'on me demande de faire. Ça veut dire ? Mais travailler en ESAT, milieu protégé, comme la restauration, comme la restauration, oui. William à 40 degrés, mes doigts se rétament aux touches du clavier. Léger, léger, léger, léger, vague à l'âme. Signe d'une flemme incurable, coupable d'avoir déclenché la malignité. Doué pour la paresse. God bless you, le travail me blesse. Se remuer les fesses pour une poignée de sous. Sous-fif, sous-chef, souffre-douleur en dessous de tout. très peu pour mon goût de l'ivresse. Excès de vitesse, ça mène où? Y'a la dépresse avec une laisse autour de ton cou. Toujours, toujours, bah, toujours ici, en direct dans le cadre des semaines de la folie ordinaire, à la parole errante, vous êtes toujours là? Ouais, ben voilà, merci pour ce beau débat là, pour tous ces témoignages vraiment sincères. On va maintenant passer sur juste pour vous signaler qu'on va passer sur la fréquence de Radio Libertaire qui est 89.4, si je ne me trompe. Ça, oui. Et sur Colifata, on est écoutable, hein, c'est ça, en direct. Et on va écouter aussi Élise qui va nous interpréter un morceau de flamenco, je crois. on vient de recevoir un appel de quelqu'un qui il est en train de nous écouter en direct. Bonjour Marali, qu'est-ce que tu veux dire? Comment? La chanson faisait un peu peur. Ah oui? Qu'on a écouté en live parce qu'elle parlait de mort, la moitié. Ah oui, parle de la mort, oui. Voilà. Fait partie et de la vie aussi. Voilà, la moitié c'est la mort, donc ça fait peur. Ok. Bon, merci pour ton appel. On vous écoute bien en live et ça fait plaisir de vous écouter. Et en général, comment est-ce que tu trouves l'émission que nous, c'est pas mal, c'est pas mal. Il doit y avoir du monde. Nous sommes 4 radios et nous sommes presque à 40, 45 personnes. Ah oui, quand même. Ouais, plus. 50, 60, 70, presque. Ah oui, presque. Bon, tu veux... Bonjour à tous. T'entends? C'est pas la mort, c'est la vie, ça. C'est la vie. Bah, merci à tous. Quoi? Et bonne émission. Merci. J'ai dit merci à tous et bonne émission. On vous écoute. Merci beaucoup, Magali. Merci. Au revoir. Je veux venir du film. On vient d'entendre des traces écrites d'un travail qui est fait au Gemme de Bondy. On me soufflait dans l'oreille qu'on pouvait un peu commencer à poursuivre un peu la manière dont on fabrique aussi des traces dans des lieux collectifs ou qu'on engage des travaux aussi d'écriture personnelle comme ceux qu'on vient d'entendre. Peut-être que Arnold, que je ne vois pas, mais qui est ici, ah voilà, tu peux nous raconter un tout petit peu ce qu'on vient très brièvement d'entendre. On m'entend? Oui. Ben, bonjour à tous et à toutes, c'est Arnold, ben, je suis animateur au Gemme de Bondy qui a fêté ses 1 an il y a tout juste une semaine. Ça a été la volonté, donc l'extrait qu'on vient d'entendre est un deux voix, Fatia et Hugues. Fatia, bien connue des intergèmes, vu qu'elle fait aussi partie de la chorale des gemmeurs. C'était la volonté de Fabien, qui est un des membres du bureau, qui est poète, d'installer un atelier d'écriture régulièrement le samedi. Donc ça fait un peu plus d'un an que tous les samedis on se réunit pour écrire ensemble. Et au bout d'un moment, ça nous a semblé plutôt logique de commencer d'enregistrer. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une bande son d'environ 10 heures d'enregistrement qui ont été faits à la suite des ateliers d'écriture. Et on travaille sur... là, en l'occurrence, c'est un atelier qui partait de la proposition de Pérec, Je me souviens. Et effectivement, c'est bien aussi de pouvoir faire la part belle aux dictions et pas juste aux textes écrits. Voilà. L'étreinte est à l'amour ce que la contrainte est à l'usager. La contrainte dans le sens de double étreinte pour cet étranger, double étirement des bras dans ce geste qu'est l'embrassade, morsure de l'âme. Le diagnostic est pour moi quelque chose de très dur, car il faut l'accepter. Quand j'ai appris le mien, c'était terrible. Je préfère ne pas vous le dire, mais le choc était énorme. Encore aujourd'hui, quand je m'informe sur le trouble dont je suis atteint, ça me met le moral à zéro. La folie me connaît bien, je lui parle souvent, elle tourne autour de moi. Heureusement, j'ai encore la tête sur les épaules, elle ne m'a pas encore complètement atteint. Alors la capsule qu'on vient d'entendre, c'est un petit bout de l'enregistrement de l'atelier d'écriture qu'on a fait à Reims, au GEM La Locomotive. Et c'est un atelier qui sera proposé demain samedi, donc ici, un atelier d'écriture donc, qui est dit atelier d'écriture proposé par et pour les patients, usagers, psychiatrisés, appelons-nous comme nous voulons. Voilà, c'est, et du coup, là, ce que vous venez d'entendre, en fait, c'est la première partie de l'atelier d'écriture, c'est on a fait ensemble une sorte de liste de mots, les mots de la... du vocabulaire de la psychiatrie. Et après, chacun a tiré deux mots au hasard et a écrit quelques lignes sur ces mots. Et voilà. Et donc, y a plusieurs capsules. Je ne sais pas si on aura le temps d'en écouter d'autres. Et puis, la deuxième partie de l'atelier d'écriture, en fait, c'est, voilà, c'est sur ce thème qui a déjà traversé là, nos échanges de plus tôt, sur la ville et la ville... telle qu'on l'aimerait, la ville idéale. Voilà. Et je passe donc le micro pour une lecture de quelques textes de cet atelier sur la ville. Dans ma ville, il y a moins de bruit, moins de voitures. Moins de gens. Moins de gens. J'imagine un ailleurs sans partir d'où je suis. Dans ma ville, il y a des miroirs pour rendre visible l'invisible, pour me connaître et me reconnaître, une ville faite de verre, de métaux, de bois, ville lumineuse avec ses cafés atypiques et ses gueuloirs pour crier comme dans mes rêves. La ville... pardon, excusez-moi, je ne m'attendais pas. Dans la ville idéale, il y a des cascades de rires et de mots d'amour. On y entend la langue des oiseaux, on y voit des chats, ils ont tous les droits mais ne dérangent personne. Ils se posent avec élégance sur un parapet d'un pont ou face à la mer. Dans une ville idéale, il faut une île. Et là, on peut encore se sentir ailleurs, sur un autre continent. Je ne sais pas si c'est là que je mettrai l'hôpital, l'asile. De sa chambre, on verrait passer les bateaux ou les canoës. Ce serait apaisant de regarder les autres ramer. Et on se dirait, quand je serai prête, j'irai sur l'autre rive ou celle d'en face. Je verrai, rien ne presse. Pour le moment, je suis bien dans l'île. Là se retrouvent les plus fatigués, les plus anxieux des citoyens. Ce territoire autonome, plus petit que l'ensemble qui le contient, porte le poids du monde et s'en allège ensemble. Tu n'es pas seul. Le monde nous regarde aussi. On ne le laissera pas tomber. Il va si mal plus loin. Ma ville, une forêt au milieu de la ville, Central Park, mais aussi des petits endroits de verdure au milieu des cages à lapins, petits lacs et jolies fleurs, mais aussi des enfants sur les toboggans. La ville idéale est un village. Voir un hameau. Les toits seraient de chaume, les murs en pierre ou en torchis. Il y aurait des poules, des lapins, des cochons, des chats. Pour les souris, les chats. Oui. Une carriole avec des chevaux. Un moulin, une grande salle à manger et à danser. Mais aussi de petites pièces pour se resserrer. Une rivière. Il y aurait des groupes de creuses qui brailleraient partout et tout le temps. Ça, c'est perso, c'est pas obligé. Beaucoup de végétation, une forêt. Il y aurait des hamacs et aussi une cascade. Il n'y aurait plus de famille. Il y aurait des toilettes publiques sèches, des bancs confortables. Où on peut s'allonger. On pourrait loger partout, se reposer, boire et manger serait gratuit. Il y aurait des grandes fenêtres et une grande cheminée. Et des petits poêles. Il y aurait du grand soleil et des jours gris. Il y aurait une brasserie. On pourrait se baigner l'été. Il y aurait des cabanes dans les arbres, des biches, des sangliers. Il y aurait des... Non, il n'y aurait pas de décharge. Pas de béton, pas de voisins, pas de propriétaires. On pourrait s'unir librement. Il n'y aurait pas d'argent, sauf les bijoux. ville dans le noir. Non, il n'avait pas dit ça. Je me souviens, dans l'atelier d'écriture, il avait dit ma ville idéale, parce qu'on avait proposé ça, la ville idéale, et il a dit ma ville idéale, c'est la nuit. Mais Elise, il n'a pas écrit ça, hein. C'est entre guillemets, les guillemets c'est important. Ville dans le noir, étoile, lune, rire, jeu d'enfant. Un petit message pour dire que, à propos de l'atelier, que l'atelier de terre est ouvert, paraît-il. Alors, rêver est un jeu d'enfant. Jour et nuit, c'est la meilleure manière de se soigner du stress de la vie que tu supportes. Ces souvenirs sont une force pour faire face au tracas de la vie, où les soucis cherchent à te déstabiliser et de te faire oublier que ce remède a sa place, qui se traduit par une aisance d'une vie heureuse, avec quoi tu savoures le restant de ta vie. Et voilà, c'était dans la suite un texte de Madani, un gémeur de Saint-Denis, qui avait écrit ce texte qui s'appelle « Rêver » et qu'il avait envie qu'on diffuse aujourd'hui. Je me suis dit que ça faisait écho aussi au thème abordé. Et on a eu quand même pas mal de textes aujourd'hui, il en reste d'ailleurs encore à diffuser. On n'a pas encore passé les poèmes de Jérôme notamment. Il y a d'autres textes du Gemme de Bondy, d'autres textes des Nouveaux Cahiers pour la Folie. En tout cas, ça fait beaucoup de textes, soit d'ateliers d'écriture, et puis François, bien sûr. Voilà, donc il y a toute une série de textes et de capsules. Et je ne sais pas si, François, tu veux rebondir là-dessus. Et après, on peut peut-être prendre un temps, justement, pour partager toutes ces pratiques. Je vais devoir faire un petit retour en arrière. Je voudrais faire une note de présentation sur ce qui s'est passé à propos de la chorale. La chorale. Ils chantent des chansons qui sont des chansons connues. Mais si un jour ils chantent des chansons qu'un poète a écrit, qu'ils écrivent eux-mêmes qu'un poète a écrit, et qu'ils aient un musicien parmi eux, et que tu mets en musique cette chanson, pourquoi ne ferait-il pas un enregistrement de leur chorale, imprimer un CD et le vendre? Ça leur ferait de l'argent. Le non-faire, le gouvernement non-faire a fait ça. Avec le CD des Monstres Précoces. Le CD des Monstres Précoces est vendu à je ne sais pas combien de milliers d'exemplaires. Ben, ils pourraient faire des exemplaires. Ça, c'est la première chose que j'avais à te dire. La deuxième chose que j'avais à te dire, c'est sur la personne qui a fait du flamenco. Ça, c'était extraordinaire. Extraordinaire. D'abord, je comprends l'espagnol, donc j'ai très bien compris ce qu'elle a dit. Mais en plus, elle avait une voix magnifique. Et sa parole était magnifique. Ça m'a énormément plu. D'autre part, je vais parler de ce qu'il dit à propos de l'humain. L'humain m'a remis en question vis-à-vis de l'humanisme. L'humanisme, à notre époque, n'existe plus. Il n'y a plus d'humanisme. Le dernier humanisme fort, la forme humaine qui a existé, c'est quand Sartre a écrit « L'exil socialiste est-il un humanisme ?» L'exil socialiste a été une forme d'humanisme. L'Église socialiste a développé l'art en peinture, en littérature, en poésie, en musique, a développé beaucoup de choses. Des cabarets se sont créés, des choses se sont créées. Si on veut que renaisse l'humanisme, il faut s'interroger, bien alors il faudrait qu'on s'interroge, mais il faudrait une séance spéciale comme la folie ordinaire, qu'on regroupe tous les gènes sur uniquement l'humanisme, qu'on parle tous de l'humanisme. Qu'on fasse un gemme là-dessus et sur l'humanisme. Il y aurait beaucoup à dire. Tout le monde aurait beaucoup à dire. Moi, je voudrais encore dire autre chose. Voilà, les gemmes. Les gemmes, c'est extraordinaire. Ce qui se passe ici, c'est extraordinaire. C'est à la dimension nationale. C'est une dimension qui doit venir en France, qui doit venir en France de façon multipliée et augmentée au maximum. Faire connaître les gemmes au maximum, que les gemmes soient fréquentés non seulement par les gens qui sont en souffrance psychiatrique ou psychique ou handicapés, mais qu'ils soient même fréquentés par des gens qui sont des gens ordinaires, qui viennent voir le gemme, Ils viendraient voir le GEM comme on viendrait voir un musée, comme on viendrait voir un spectacle de théâtre, comme on viendrait voir un spectacle de cinéma. Ils verraient ça. Et pourquoi ne viendraient-ils pas? Ils vont bien à l'opéra, ils vont bien à la comédie française, ils vont bien au théâtre de la Renaissance. Pourquoi ne viendraient-ils pas dans les GEM? Il faudrait que les GEM se structurent, davantage s'organisent. Que les GEM se structurent financièrement, administrativement, juridiquement, qu'ils aient une dimension plus solide. Et ça nous permettrait de développer des ateliers comme les ateliers qui se créent au moment de la Renaissance italienne en Italie. Les artistes travaillaient dans les ateliers. Il n'y avait pas de musée, c'est pour qu'on voit en ce moment en Italie. C'était les ateliers où travaillaient les artistes. Les peintres, par exemple, de la Renaissance, Léonard de Vinci avait nombre de peintres secondaires qui ont fait des tableaux pour lui. Il les a finis, il y en a un autre qui travaille pour lui. Eh bien, ça, on peut redévelopper ce qui se passe ici, dans les ateliers. Alors, que les GEM deviennent une forme d'atelier, non seulement les GEM auront une dimension vis-à-vis du psychisme des gens, mais auront une dimension vis-à-vis de l'art. Les GEM se donneront une dimension artistique. Les gens connaîtraient les GEM pour leur dimension artistique. Regardez les peintures qui sont exposées. Elles sont magnifiques, ces peintures. Moi, je connais les GEM du Longfer. Ils ont 1500 peintures magnifiques. Eh bien, il faut vous faire connaître ça. Voilà ce que j'allais dire. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arrive. Singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. Oui, c'était juste pour. Je ne sais pas si je pourrais répondre à tout ce que vous avez évoqué, François, mais par rapport aux ateliers qui deviennent des disques ou des choses qu'on vend, en tout cas, d'abord ça existe, je crois, il y a aussi. Et je me souviens d'une émission qui avait eu lieu au Mans il y a quelques années où on avait reçu quelqu'un qui avait travaillé sur les films d'ateliers dans les lieux de soins, et elle avait présenté tout un travail qui était très intéressant parce que justement elle parlait de ces films qu'il fallait faire. Alors on pourrait dire aussi les peintures, les dessins, les ateliers, les écrits, donc de ces films qu'il fallait faire, mais qui n'étaient pas forcément faits pour être ni vendus ni forcément d'ailleurs présentés ou projetés, mais que l'important c'était déjà de les faire. Voilà. Et donc peut-être que aussi, même sans rendre impossible. Alors il faut parler au micro, François. Les diffuser, ce serait une chose intéressante de les diffuser au plus grand public possible. Ça serait de faire connaître et faire connaître ce qu'on a à dire. Voilà. Mais il y a aussi ces films qui peut-être restent des choses qui sont fabriquées et qui sont d'abord des temps qu'on passe ensemble pour les faire avant de les diffuser. C'est pas. Enfin, il me semble que les choses qu'on partage ici, ce n'est pas seulement quelque chose qui doit s'échanger, surtout de très grandes distances. C'est peut-être non, aussi des choses qui doivent circuler de façon par ricochet, peut-être aussi. Bon, alors moi, je voudrais lire, pour finir mon intervention, deux poèmes que j'ai à lire, si tu veux bien. Et après, c'est tout. Après, j'ai fini. Désert de l'âge, parfum d'Orient. Si Féline, vous m'apparaissiez un soir, pour que j'ose poser un regard sur vos yeux, transfigurés en visage à leur miroir, qu'un rouge désert baignait du bleu des cieux. Peinture de sang, portée par un licol, vous descendiez la rue silhouette mobile, lorsque le vent d'Orient aux odeurs d'alcool teignait de tous ses feux Paris immobile. Le soir était superbe, en rose écarlate, puisque radieuse du chantier en cigale, en traçant de votre pinceau la carte, vous regardez la nuit aux yeux de reptiles. Verte est ma vallée, rouge votre désir, qu'un torrent de passion faite sur les morts fait trembler dans le soir des pas du plaisir. Vous hantez les poètes en divise l'or, quelqu'un frappe à ma vitre au son de cristal. C'est encore vous, marteau de bronze coulé, que frapper sur l'enclume aux couleurs fatales, les jours taillés au futur moulé. Monsieur François Alain-Louis Trésor, 29 rue Lavarin, Paris 75-009, si vous voulez me téléphoner, téléphone 01-45-26-48, je suis prêt à répondre à tous vos appels à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Après les lectures de texte, des textes de François, je vous aurais bien demandé, Najwa et Arnold, de re-raconter un petit peu comment ça se passe à Bondy et puis cet atelier d'écriture dont on a entendu des extraits tout à l'heure. En fait, on aimerait rebondir sur le fait de ce qui était dit à propos des objets qu'on y fabrique. C'est que nous, depuis 2 mois et demi maintenant, à partir des textes, on a commencé de faire des écritures vidéo avec une amie qui est réalisatrice, Marie-Lou, et on fait des portraits pour chaque personne. C'est-à-dire qu'on part d'un texte qui est écrit par eux, et après, on organise les tournages. Donc, Najwa, qui a participé. Oui, alors j'ai écrit un texte sur le thème « Je me souviens ». Et donc, à partir de mon texte, on a tourné 2 scènes. Une scène où on est tous en train de peindre et puis une autre scène où on me voit de face. Et à partir de là, on a fait un petit film qu'on va vous montrer ce soir. Et avec Marie-Lou qui nous a filmé. Enfin, il n'y a pas que moi, on a filmé plusieurs personnes. À partir du texte, je me souviens. Et voilà. Voilà. Et le truc, c'est que y a des personnes qui n'ont pas forcément envie d'écrire. Et c'est bien aussi d'avoir... des personnes qui vont participer au tournage ou juste au cadrage ou au son pour une journée. Marie-Vonne, par exemple, une très bonne première assistante réalisatrice, tu as quelque chose à en dire de ce qui se passe autour de l'atelier d'écriture et de ces films? T'es pas trop timide, ça va? T'as le trap? On te laisse 3 minutes. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, moi, j'ai pas fait le film, je me souviens. Il y aura un autre épisode où ça sera plutôt documentaire sur un lieu artistique et culturel et atypique. Et ça sera projeté dans un deuxième reportage. Et c'est pas encore fait, mais c'est un autre thème. Voilà, et c'est très bien. En plus, j'assiste la réalisatrice, ça me plaît bien, le son, le cadrage, avec bien sûr les animateurs, Arnaud, Julia. Et c'est super intéressant, c'est une découverte. Et c'est super chouette parce que ça change des autres activités. Et c'est plaisant, voilà. Je m'appelle Marie-Vonne. Et simplement pour finir, l'atelier d'écriture se met un peu en stand-by vu qu'on va commencer de bricoler un blog pendant tout le mois d'avril parce qu'effectivement, on reprendra en mai. Donc c'est tous les samedis après-midi de 15 et 16 heures jusqu'à 18 heures. À Bondy, 158 rue Roger Salengro. Vous descendez à Gare de Bondy, on est à 200 mètres de la gare. Et tout ça pour dire qu'on a un projet de comédie musicale le 1er juin aux forêts de Bondy. Donc on en reparlera. On projette, si tout va bien, les 4 premiers segments, une version d'étape ce soir avant le film de Jurl à 20h. Voilà. Pour pour poursuivre, ça va, sur les ateliers d'écriture. D'abord, je trouve que l'écriture, c'est un peu comme la peinture, c'est une véritable matière, les mots, qu'on peut mettre aussi dans tous les sens. On peut retravailler une phrase, la tourner, la tourniboulée, et puis même les choses les plus simples qui s'écrivent, sont jolies à entendre. Dans les textes qu'on a lus tout à l'heure, venaient d'usagers du GEM de Reims, de la locomotive. Donc au niveau du symbole, je suis contente qu'on puisse faire que ce soit aussi aujourd'hui un lieu pour leurs paroles, puisque les semaines de la folie ordinaire s'inspirent de ce collectif Artaud. Et puis, du coup, demain, on va continuer avec Élise, avec Olivia. Et nous, c'est vrai que notre démarche de départ, c'était de travailler sur la nomination. Qu'est-ce que être nommé ? Comment on nous nomme et comment on nomme les autres ? Et c'était assez rigolo quand j'ai vu dans le programme qu'il y avait la radio sans nom. Alors, je me suis dit, est-ce qu'on peut ne pas avoir de nom ? Ou est-ce que c'est un espace pour laisser tous les noms possibles? Voilà. Ça reste en suspens. Trois petits points. Est-ce que vous pouvez répéter... si j'ai bien compris, parce que nous sommes en train de faire fonctionner les casques, mais on n'arrive pas. Et vous parlez de comment c'est possible de ne pas avoir un nom, c'est ça? Oui. Alfredo, vous n'étiez pas très attentif. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Oui, exactement. D'accord. Ouais. Vous avez la raison. Mais on a des bonnes raisons pour aussi. On essaye d'aider au monsieur. Oui. Oui, oui, tout à fait. C'est sûr. Moi, je disais que ça faisait écho au travail qu'on souhaitait faire. Nous, on souhaitait faire un travail sur la nomination, sur le fait d'être... Comment on est nommé? Ouais. Et comme on a envie d'être nommé, et parce que le nom dit beaucoup de choses. Oui. Si on vous appelle usager de la psychiatrie, psychotique, âne, ou fou, taré, enfin. Oui. Et quand j'ai vu dans le programme Radio sans nom. Même aujourd'hui, les gens ils ont commencé à parler d'handicap. Ah, d'handicap, ouais. Et justement, la question était comment nommer, et c'est ce qu'il faut nommer ou pas. Aujourd'hui, on dit beaucoup aussi, on dit non, c'est plus handicapé, c'est en situation d'handicap. Mm-hmm. Voilà, les mots qui font notre environnement. Oui. Par rapport à la radio sans nom, on a discuté pendant, je pense que 6 mois ou quelque chose comme ça. Ça nous a permis de justement, ça nous a mis à réfléchir autour de la question de stigma, entre autres. Et on a fait plein, je sais pas, aller-retour autour de plusieurs choses très complexes. Et un jour, quelqu'un un peu harto, ou cansado, ou fatigué de continuer à discuter tout le temps, dit « Ok, on s'appelle la radio sans nom, on n'a pas de nom. » Mais ça nous a permis de devenir une radio multinom. Chaque émission, nous avons un nom différent. Même si vous écoutez les jingles de la radio, et il y a plusieurs noms, mais ça veut dire pas... Ça, c'est mon interprétation à moi. Après, il y a des autres collègues qui peuvent dire qu'est-ce qu'ils pensent. Oui, ça ne nous empêche pas d'avoir une identité. Justement, c'est une identité qui vient se composer à partir de plusieurs noms. C'est une espèce de radio multinom. C'est ça un peu l'idée. Ouais. Et justement, laisser toujours un casier vide pour pouvoir faire marcher le moteur de désir. Vous voyez ? Exactement. Mais Marc, il veut parler oui, aussi. Oui, parce qu'en fait, Alfredo nous avait demandé effectivement de réfléchir à un nom pour la radio. Donc, on a été nombreux à proposer des trucs. Moi, par exemple, j'avais proposé Radio Liprane, la radio qui fait bien au crâne. Et ça n'a pas été retenu. Donc, j'étais très frustré, très vexé. Et après, j'en ai imaginé un autre Donc c'était Radio Nisiac, la radio Calagnac. Une radio euphorique, donc un peu humaniste. Et voilà, donc après on a demandé, il y a plein de gens qui ont proposé encore d'autres trucs. Qu'est-ce qu'il y avait, Véronique, par exemple? Je ne sais plus, il y avait une dizaine de noms différents. Moi, je me souviens de Radio Sans Culotte. Mais qu'est-ce qu'il y avait sur la liste? Je ne sais plus, enfin. Bon. Et la semaine prochaine, nous serons la radio toilette, non? Parce qu'on oui, va pourquoi pas. Mais... faire l'émission à côté dans Toilette et dans le festival Port du Rêve. Et... la radio Sanisette. Ouais. Par exemple, à ver. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Réveil. Vous pouvez nous joindre au 01 41 11 28 Radio 40. Réveil. Ça fait peur, l'adresse email, groupe radiophonique, Agnès. Bon, et on passe 4 minutes à présenter la radio d'une façon différente. Mais principalement, ça c'est. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Véronique. Mais chaque mardi, il y a un homme qui arrive et on prend un nom et ça nous invite à réfléchir autour de plein de choses. Oui, c'est un sujet, le nom de la radio sans nom. Pour moi, ça n'en est pas un. Notre nom, c'est la radio sans nom. Et puis effectivement, à chaque émission, ça nous permet une ouverture sur. Un autre thème, un autre nom, etc. Et ça fonctionne très bien comme ça maintenant. S'il faut qu'on trouve un nom, on finira bien par en trouver un jour. Et on continue à discuter. Moi, de ma part, si vous voulez savoir ma position, je pense qu'il faut trouver un nom. Sans nom, mais pas sans âme. La majorité, ils vont pas. Prends le micro. Oui. Oui. Juste pour continuer sur cette idée de nom, sans nom et avec nom. En fait, l'idée aussi de ces ateliers d'écriture, comment ils sont nés et comment on espère qu'ils vont continuer demain, donc samedi, à la parole errante, c'était aussi de subvertir les noms qu'on nous donne. C'est-à-dire que tous les noms de diagnostic, par exemple, qu'on pose sur nous, on en avait sorti quelques-uns, on les reprendra ou pas. Psychose, bipolaire, schizophrène, trouble du comportement, trouble de... tous ces mots-là, comment ils résonnent en nous, est-ce qu'on les accepte ou pas, et comment on a envie de les poétiser et de les rendre un peu plus vivants de là où ils nous tiennent et où ils nous maintiennent au sol, quoi. Donc l'idée de cet atelier d'écriture, mais qui pourrait s'appeler autrement, c'est de s'inventer plein de noms et de faire autre chose avec ces mots qu'on pose sur nous. Et l'idée aussi du deuxième temps qu'on s'était donné pour ma ville idéale, ou mon soin idéal, ou la ville, ou les lieux, c'était aussi de dire que, en tant que, alors encore des noms, psychiatrisé, patient, usagé, tous ces mots-là, on a un vécu de corps, de pensée, qu'on nous a un peu contraints en étant hospitalisés ou en étant... et que ces vécus-là sont des vécus particuliers et que la possibilité de le partager ou de l'écrire ou de le parler ensemble permettait de donner peut-être des nouveaux mots ou des nouvelles sensations qu'on pouvait pas dire ailleurs et autrement. Voilà. Oui, et juste, Élise avait eu une très belle image. Elle avait utilisé l'auteur de Italo Calvino avec justement l'histoire des villes invisibles ou quand on n'a pas envie de vivre aussi dans un certain univers sociétal ou familial, ben, on peut s'inventer une vie dans les arbres ou ailleurs. El ballon rampante, s'appelle. Le ballon perché. Oui. Oui. Par rapport au nom aussi, parce que vous avez touché un truc qui, à mon avis, c'est important. Par exemple, à l'origine de la Califata, non? La Califata, il y a presque 30 ans qu'on a démarré l'expérience. Et pourquoi Califata? Califata, ça veut dire fou, quelqu'un fou. Comment les gens ils vont choisir un nom? Radio fou, radio de mais le processus, peut-être, c'est le plus intéressant. Et les gens réunissent comme ça. Ils ont discuté plusieurs noms. aucun fait un lien avec la folie. Sauf un seul, Kolifata. Il y a eu presque 40 noms possibles pour l'expérience radiophonique et qu'un seul lié à la folie. On a fait des débats, on a discuté, on a passé une heure et demie à discuter et quelqu'un a pris le micro, bah l'enregistrement, l'enregistreur dans ce moment, il a dit « Nous sommes en train d'enregistrer tout ça, pourquoi pas le voyer vers une radio entre guillemets vraie et inviter aux auditeurs à voter en nom pour nous ?» Et c'est comme ça que la société, entre guillemets, les auditeurs, ils ont commencé à faire des appels téléphoniques. À l'époque, n'existe pas Internet, rien. Téléphone. Et les auditeurs, ils votent. Kolifata, Kolifata, Kolifata, Kolifata, Kolifata, et certains autres. Ça veut dire que la société, l'autre, il nous renvoie dans un truc lié à la folie. On a beaucoup discuté. Et on a pris la décision de dire, ok, on va accepter la nomination qui vient de l'autre pour la faire travailler. Parce que sinon, nous pouvons trouver un homme politiquement correct, mais ça vient à obturer, à ne pas permettre l'émergence de la dimension conflictuelle. Et c'est comme ça qu'est née la Kolifata. Le sentiment qu'on a, c'est que on entend beaucoup parler de déstigmatisation et qu'on se dit il faut que les personnes qui sont concernées inventent leur façon de se déstigmatiser ou de déstigmatiser. Voilà, que ce soit une production singulière et jamais une formule donnée pour tous. Ça nous paraît plus pertinent de chercher comment on a envie de parler de soi, si c'est à supposer que ce soit en parlant de la maladie, ce qui n'est pas non plus une obligation. Voilà. On va passer une petite capsule sur la télé d'écriture. Donc moi j'avais bipolaire et psy. La polaire vous fait mal? Non, la molaire, je vous dis la molaire, il ne comprend rien ce psy. Ça vous rentre dans la gencive? Non, la gencive, je vous dis la gencive. Les gencives, on dit que c'est du solide, on a tort, c'est mou aussi, les os, les nerfs, tout ça. Ça fait qu'on a du mal à mâcher, à avaler. Les psys disent non, vous pouvez pas mâcher, mais si, bon, bah mâcher. De l'autre côté, ici, puisque ça fait mal là, ballotté d'un pôle à l'autre, je mâche mal, des gencives, ils me font grincer, eux ou les dents. La molaire, c'est celle qu'on met le plus de temps à arracher, qu'on soigne pas, qu'on soigne plus, qui est du solide, qui brille pas, mais qui sert, qui fait tout le sale boulot de broyer, de trier, de rendre alimentable. Des psychiatrisés sous contrainte psychotique enfermés dans un HP discutent de leur diagnostic. Moi je suis pentapolaire, dit le schizophrène. Le bipolaire, patient, attend que sa psychose finisse de vriller. Il tape du pied comme un frappalingue sous électrochoc. « J'ai une dalle de malade, dit le dépressif, en suçant une pile usagée. N'empêche qu'entre métapolaires, il y a une ambiance de folie. » Yes, Donc on dit quoi? Yeah. On est malade, c'est la marmelade. À quel stade on s'en tire? Dites-le-nous, docteur, n'ayez pas peur. Quelle horreur! Ce qu'on vous dit, ce que vous nous dites, on ne sait plus dans quel monde on vit. Pourtant c'est vous qui tenez les ficelles, moi je les tiens pas. Et pourtant vous jouez la marionnette avec moi. Mais comment vous faites ça, je me pose la question. Alors qu'est-ce qui se passe, dites-le moi. Vu que je suis dans le stade, je voudrais marquer le but. Vous me dites chut zut, je sais pas pourquoi vous me le dites comme ça. Et je me pose encore une fois la question. Alors quand est-ce que je m'en irai de votre bureau, bien de sang, bien sain, comme il le faut, à bien mater, à bien me regarder de moi-même, sans que vous-même vous disiez que c'est vous qui vous référencez à ce que je pense, et quand je pense, c'est la manigance, car en réalité, c'est vous qui m'avez assujetti à un sujet sur lequel je ne savais pas, et je me demande toujours quel sujet je prendrais pour moi. Alors le blocage, d'où il vient, de toi à moi, on restera bloqué ou pas, je ne sais pas, mais nous laisse pas dans le bloc-notes. seulement et dis-nous la vérité, dis-nous ce qui est déjà. Comment on fera pour se casser de là? Est-ce qu'on y a vie ou pas? Et comment on s'admet qu'on est malade? C'est quand vous nous le dites ou quand on le croit? Et quand on y croit, qu'est-ce que ça fait? Ça nous fait encore plus dépressionner. Et ça s'arrête jamais, c'est le deuxième stade de la maladie qui fait qu'en réalité on va mettre le troisième. Et au bout du troisième, qu'est-ce qu'on dit? Jamais 203 d'une pierre deux coups. Et c'est pourquoi on s'en fout. Et quand on s'en fout, vous dites vous aussi vous vous en foutez. Alors qui a raison? Qui voudrait la raison? On en veut des raisons pour raisonner et finir de la folie. Sortir de la folie, celle qui nous lie à vos pieds, à vos têtes. Quand vous êtes attaché et quand vous savez plus comment faire pour vous détacher. Quand vous êtes tourmenté dans ce lit où vous ne savez pas ce qu'on vous dit. Personne vous parle et vous êtes référencé qu'à vous-même. Donc dans tout ce que je dis, comment faire pour s'en sortir? Dites-nous s'il vous plaît, docteur. Oh docteur, docteur, docteur, docteur, docteur. Dites la vérité, docteur. Je ne sais pas, excusez-moi de m'affronter à vous, mais quand même je suis assez susceptible quand on parle de ma tête. Car vous savez, c'est pas la fête tout ça. Oh, même si elle se fête toute seule, et qu'elle est faite et qu'elle se cuit tout seule. Comme si on avait mis une casserole à l'intérieur, ça devient froid. Concrètement du bordel et on veut la boussole. Voyez de quoi je parle. Donc s'il vous plaît, faites-nous raisonner, qu'on raisonne, qu'on discute. Que la discussion nous emmène à ne plus faire attention. Et qu'on soit libéré de toute action. Et qu'est-ce que je veux, c'est la liberté du mouvementé. Qui nous donne ce qu'il faut quand on est exploité. Et tant que c'est cette société de consommation, donc nous qu'est-ce qu'on trouve dedans? Alors mettez-nous tout ce qu'on veut, comme le bordel qu'on disait dans tout ce, dans tout ce machin qu'on se racontait là tout à l'heure. Donnez-nous des sous ou cassez-vous. Là. Alors, on doit réinstaller. Est-ce que vous voulez être installé la chorale comme tout à l'heure? Merci, Célou, pour ce rap improvisé. Alors, donc, vous voulez être un peu plus en face? Ah, oui, mais on peut pas trop. Alors, vas-y. Voilà. Alors, je te passe la parole. Le temps qu'on installe, vas-y. Oui. Je trouve que ce que je disais, ça allait un peu avec tout ce que vous disiez. C'est pour ça que je suis content quand même de cette improvisation. Et je parlais d'attention. Si on veut bien me laisser poser deux ou trois sons sur un espace où vous vendriez bien le son. Comme à la radio, ça se vend déjà. Je ne sais pas quoi vous dire. En réalité, ce que je veux dire, c'est que j'ai un SoundCloud et je vais mettre ça en, comment ça s'appelle, en vision sur SoundCloud. Donc, si quelqu'un veut mon SoundCloud, il va tout simplement sur SoundCloud et il tape Célou, C-E-2-L-O-U-bas. Et j'espère que vous trouverez celui-là aussi. Ok, merci. Alors, est-ce que la guitare est prête? Vous n'êtes pas tous prêts? Un peu de silence. Oh. Ben quoi? Elisa, jette-moi au cou. Elisa, Elisa, Elisa, cherche-moi des poux. Fais-moi quelques anglaises et l'arrêt au milieu. On a 13, 14 ans à nous deux. Elisa, Elisa, Elisa, les autres on s'en fout. Elisa, Elisa, Elisa, rien que toi, moi, nous, mes 20 ans, mes 40, si tu crois que cela me tourmente. Ah non, vraiment, Lisa, Elisa, Elisa, Elisa, saute-moi au cou, Elisa, Elisa. Elisa, Elisa, viens chez moi, dépouvre bien tes ongles et tes doigts délicats. Dans la jungle de mes cheveux, Elisa, Elisa, Elisa, Elisa, Elisa. Il y a Elisa quelque part dans la salle d'ailleurs, je crois. Mais... Il y a une Elisa ici. Il y a une Elisa dans la salle. Alors, est-ce que vous écrivez aussi des chansons dans l'atelier choral? Pas encore. On y pense. On y pense. Mais pour reprendre, c'était François, votre prénom. Si vous pour reprendre votre proposition de tout à l'heure, si vous voulez nous proposer des textes, on peut essayer de les mettre en musique pour l'année prochaine. On peut essayer de faire quelque chose comme ça. Vous êtes le bienvenu au GEM de Saint-Denis pour qu'on en discute. On peut parler du contrat et tout, enfin voilà. Quelle est votre adresse où on peut vous joindre? C'est de la République. Voilà. Ah, Saint-Denis. Oh, bah, je connais le GEM de Saint-Denis. Et au 21. C'est au 21. Je sais, je connais. C'est quoi le code d'entrée de la porte? J'ai fréquenté le GEM pendant longtemps. 21A. 93. Oui, oui, oui. Vous étiez là d'ailleurs il y a deux oui, semaines. Oui, j'étais là il y a deux semaines. Une deuxième chanson? Ouais. Comment il s'appelle? On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Cette volonté de prolonger la nuit. Ce désir fou de vivre notre vie. Ce rêve en nous avec. Quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse l'infini. Y a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de pluie. Quelque chose de Tennessee. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ainsi disparaît Tennessee, le cœur en fièvre et le cœur démoli, avec cette formidable envie de vie. Ce rêve en nous, c'était son cri à lui. Quelque chose de Tennessee. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Quelque chose. D'autres s'aiment à la folie, sans un éclat de voix et sans un bruit, sans un seul amour, sans un seul ami. Ainsi disparaît Tennessee. Quand le cœur de la vie s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie. Ce rêve en nous avec ses mots à lui. Quelque chose de Tennessee. Merci, hein, tout ça. Alors, on vient d'assister à, pendant la chanson. On vient d'assister à un don pendant la chanson. François a donné, si je ne me trompe pas, trois écrits. Gratuitement, François Dissangrédor nous a donné des textes que nous pourrons mettre en musique. Merci à toi. Vous vouliez. Il n'y a pas de problème, ça marche. J'aimerais bien être connu sous le nom de Sangrédor. C'est mon nom artiste, c'est le nom que j'ai choisi. Voilà. Ce sera des chansons de Sangrédor. Merci beaucoup. Tu connais comment on dit sur ressort l'Argentin, le jaune. Quoi? Le jaune. Ah, Cavani. Cavani, il est un peu plus grand que moi. Hein. C'est sûr. Cavani, c'est uruguayen. Alors, on peut continuer un peu ce temps sur les questions des ateliers, de qu'est-ce qu'on dépose à la radio, dans les écrits, dans d'autres temps collectifs. Je crois qu'on entend encore la chorale, là. Ouais. Comme les temps de chorale. C'est aussi peut-être l'occasion de rappeler que ce lieu, La Parole Errante, où a lieu cette émission, a aussi été un lieu d'atelier, beaucoup sur la ville au départ des premières années où le lieu a été construit et occupé par Armand Gatti et son équipe. Donc il y avait énormément d'ateliers qui se réalisaient ici dans les écoles, dans les collèges. Et c'est d'ailleurs à cette occasion de rencontre qu'il y a eu aussi tout un projet sur l'histoire d'ailleurs du secteur en psychiatrie, comment on faisait aussi des petits lieux et pas seulement des grands lieux, comment on construisait des espaces culturels, un peu ce dont vous parliez, François, tout à l'heure sur la Renaissance, multiplier des ateliers, même si ce n'était pas pour forcément... faire des disques ou en tout cas des temps collectifs. Et peut-être qu'on peut aussi rappeler du coup que des ateliers continuent de se faire ici aussi et que parmi les participants à cet après-midi, il y a aussi un atelier radio qui s'est constitué dans un des espaces de La Parole Errante. Cet espace, c'est le centre social autogéré. Et peut-être qu'on peut dire aussi un mot et qu'on va peut-être écouter deux, trois choses autour de cet atelier radio, puisque Radio Mégalo participe aussi au sein du CSA, au sein de La Parole Errante, à cet après-midi. Lucie, je ne sais pas si ça a été très clair tout ça, mais d'atelier en atelier, on en arrive aussi à l'atelier radio que vous avez fabriqué depuis un moment, ici. Oui, donc cet atelier radio, il a commencé il n'y a pas très longtemps. Et voilà, peut-être on peut écouter le teaser de la première et seule espèce d'émission. Je dis espèce parce que c'est un ensemble de montages autour d'un thème. Il n'y a jamais eu de direct d'émission de radio. En fait, c'est plus du montage. En France, avant quand il était petit, Saône. Je dis sapin, non, celle de ses Saône. Et ça fait penser quand il était jeune. C'est pas jeune, c'est petit. Hein. Petit, quand il était petit. À mon natal, on prend c'est le long du Mékong. L'herbe folle, c'est ce qui s'impose aux jardiniers et détourne l'organisation quadrillée de son œuvre. On dénonce l'artifice pour annoncer la primauté du désordre, qui ressort en fait d'un règne supérieur, la création rigoureuse du vivant. L'herbe folle peut être ignorée et contournée. Elle est le plus souvent arrachée. Je souhaite parler aujourd'hui d'un poète qui fut ignoré, longtemps contourné par ses contemporains, puis par l'histoire littéraire, et dont la mort, malgré la reconnaissance posthume tardive, continue d'être une herbe folle. Ce poète français, né en 1912, battu à mort le 29 mars 1961, était depuis 1945 membre de la Fédération anarchiste. Il faisait partie du même groupe de la FA que Georges Brassens, qui décrit la cause du meurtre d'Armand Robin en ces termes. Il avait pris l'habitude de téléphoner tous les soirs au commissariat de son quartier. Il demandait le commissaire, déclinait son identité, donnait son adresse et disait « Monsieur, j'ai l'honneur de vous dire que vous êtes un con ». Qu'est-il arrivé le 29 mars 1961 ? Une fois de plus, Armand Robin appelle le commissariat, abreuve l'agent réceptionniste d'insultes, puis raccroche. Ensuite, il part dans un café. C'est là que la police l'arrête. C'est sans doute dans le commissariat que Robin trouve la mort. Comme un arbre dans le vide, j'ai la fumée des usines, pour prison et mes racines, on les recouvre de gris. Comme un arbre dans la vide. L'histoire, c'est simple, c'est, y a 27, une forêt de 27 hectares qui s'est constituée naturellement sur un secteur qui était retenu comme base de loisirs, mais il y a 64 hectares de base de loisirs. Donc nous, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait 37 hectares qui soient en base de loisirs avec les équipements, avec l'argent dont ils disposent, puisqu'ils veulent gaspiller le pognon public, l'argent public, le nôtre, mais ils veulent le mettre là-dessus. Donc bon, à la limite, on s'en fout, mais qui ne touchent pas la forêt, quoi. Parce que ce qui est dramatique dans cette affaire-là, c'est qu'ils ont commencé à détruire la forêt, les arbres, le jour où le GIEC publiait son rapport. C'est un timing épouvantable, quoi. Je sais pas comment ils ont pu faire ça. C'est. Si. Non de benvenuta solo di due giorni. Ora, alla finestra, nel rivederli, un breve istante, là, giù, ignorati, disadorni, mentre salgono in un sole bianco come neve, a stento trattengo un infantile pianto. Cosa fare? Quando, esausto ogni mio debito, qua giù, si sarà perso l'ultimo rantolo ormai da mille anni, dall'eterno. Due giornate di febbre, tanto da non poter più sopportare l'esterno, si è appena un po' rinnovato dalle nubi calde di ottobre, e così moderno ormai, che mi pare di non poterlo più capire, in quei due che salgono la strada là, in fondo, all'alba della gioventù. Ben non, tu les mets là, mais avec un chiffon par-dessus. Et ça, c'est des adventices, c'est des arbres qu'on pousse naturellement. Okay. Comme l'hiver, on ne plante rien, ben les autres s'en profitent, elles occupent le terrain. Le jardinier qu'on entend travaille sur la place de la Fraternité. C'est une place en forme de triangle située entre Montreuil et Bagnolet. Sur cette place, on a rencontré Delphine, la propriétaire de la roulotte. On a rencontré un agent immobilier. On a rencontré un joueur de Pokémon qui n'a pas voulu être enregistré parce qu'apparemment c'est un super spot pour attraper des Pokémon. On a rencontré un couple d'habitants de Bagnolet qui avait emménagé là, dans le quartier des Coutures, depuis les années 60. On a rencontré Alassane et Candé, des habitués du café. Et grâce à eux, on a pu dresser un portrait de cette place qu'on voudrait partager avec vous pour cette première émission de Radio Mégalo. Je suis la mauvaise herbe, brave Jean, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. Je suis la mauvaise herbe, brave Jean, je pousse en liberté dans les jardins mal fréquentés. Lucie, tu peux nous dire un petit peu ce dont il s'agit. Donc on s'était donné un mot, une ligne, à partir de l'expression « mauvaise herbe » et de là... On est parti sur... On a tourné autour, dans Montreuil, aux alentours. Et quoi dire d'autre ? Le principe, c'est que personne ne sait trop faire dans notre petit groupe. Donc on essaye de se filer des coups de main avec ce qu'on apprend au fur et à mesure. Et voilà. Ça a lieu Une fois par mois. Aujourd'hui, j'ai vu que c'était une des dates qui était... Ouais, une fois toutes les deux semaines, on se retrouve voir où on en est et on fait une session de montage d'écoute, une fois par mois. Alors, on va entendre la chorale de nouveau. Go down, Moses, way down in Egypt, let my people go. Rien ne lit là-haut des anges. Zéro, je suis blanc de peau. Armstrong, tu te fends la poire. On voit toutes tes dents. Moi, je bois plutôt du noir. Sur noir, ou bien noir sur blanc, on voit surtout du rouge, sans trépied ou à bonsoir, ma foi, noir ou blanc de peau. Armstrong, un jour tôt ou tard, on n'est que des os. Est-ce que les tiens seront noirs? Ça c'est rigolo. Alléluia, alléluia. Au-delà de nos oripeaux, moi et nous ressemblons. Merci la chorale des gêneurs. Et je crois qu'il y a quelqu'un de Radio Sans Nom qui voulait une petite musique pour danser un peu et voilà, mais qui est parti faire un petit tour. Alors, du coup, on peut enchaîner sur ce qui va se passer tout et à l'heure. En attendant aussi. La danse, l'exposition. On entend pas. Si, ça y est. C'était pour vous dire un peu ce qui allait se passer après le plateau radio. Et notamment qu'à 18h30, c'est le vernissage de l'exposition qui s'est installée ce matin à La Parole Errante. Donc pour la petite histoire, cette exposition, elle a déjà eu lieu l'année dernière pour les semaines de la folie ordinaire en 2018, où tout un tas de gens sont venus exposer. Puis cette année, les liens ont perduré, d'autres rencontres se sont faites. Donc on a remis ça cette année. Donc il y a tout un tas de gens qui ont exposé, notamment Karim Essaïd du GEM d'Arnouville, Les Mille et Une Vies, Yann, Paco du GEM de la Vague à l'âme, des personnes de l'hôpital de jour d'Asnières, dans le cadre d'un atelier qui se fait une fois par semaine, des personnes des GEM de Bobigny, Montreuil, Saint-Denis, ainsi que du CATTP Darius Milo et du club Vianova. Voilà, et Arnold. J'espère que j'oublie personne. Donc, en tout cas, moi, je suis arrivée du travail tout à l'heure, là, à 15h. Je n'ai pas participé à l'accrochage. Mais quand on arrive, c'est trop beau. Il y a des couleurs partout, des tableaux, des photos. Donc, c'est vraiment super. Il faut absolument venir voir cette expo qui restera tout au long du week-end à la Parole Errante. Et voilà. Et après l'expo, après le vernissage de l'expo, quand on aura mangé et bu un coup, ce soir, il y a une projection et je laisse la parole à Yulia pour en parler. Oui, alors, donc justement, après l'apéro dînatoire de 19h30, il y aura une projection et une rencontre et débat autour du film Ici et maintenant, Les anciens de la communauté thérapeutique d'Aubervilliers. C'est un film réalisé par Jules qui sera là pour discuter avec nous sur les thèmes des ressources personnelles et sur l'expérience de rétablissement des personnes touchées par l'addiction. Et il y aura beaucoup d'invités pour la discussion qui suivra ce film, des usagers, des anciennes usagers ou usagères résidents de la communauté thérapeutique, des groupes d'autosupport, des professionnels de santé. Voilà, donc ça sera, cette projection sera précédée, comme on a dit tout à l'heure, par des vidéos réalisées par les adhérents du GEM de Bondy, par Arnold et aussi Marie-Lou. Voilà, donc à tout à l'heure pour la suite de cette belle journée. Merci à tous et à toutes et aux radios. Merci à vous. L'atelier. Alors juste, je voudrais dire que les expositions, il y a le vernissage à 18h30, mais qu'on peut venir les deux jours aussi pour voir sûr. Je disais, l'expo reste pendant les deux jours. Même s'il y a aussi des rencontres, des débats, des tables rondes. Bien sûr, bah du coup, c'est justement l'idée que ça soit un espace de circulation. Il y a des tableaux un peu partout, dans des petits coins cachés de la Parole Errante aussi, donc il ne faut pas hésiter à circuler et à s'y perdre. Aline et Samantha nous invitent à quelque chose. Non, j'étais intéressé de dire que pendant l'émission, vous avez tout monté. Et je voudrais savoir pour les gens d'ici, qu'est-ce qu'ils pensent ou qu'est-ce que vous voyez dans l'ouvrage. Qu'est-ce que vous pensez? Quoi? L'œuvre. Comment se prononce? O-A-U-V-R-E, l'œuvre. O de l'œuvre, ça se prononce E. Et qu'est-ce que vous pensez de l'œuvre? Excellente. Très bien. Bon, la parole errante, mais aussi le. Il est extraordinaire, mais les corps. Samantha fait partie de la radio sans nom. Elle veut nous aider ou nous donner un mini cours de danse. Est-ce que vous voulez? On y va, vamos. Samantha, qu'est-ce qu'on va... On va danser Serge Beno. On y va? Vamos. Mais il faut... Mais vous restez seul? Non, l'idée c'est de partager, sinon c'est pas le spectacle. No waste time. Vous trouvez normal qu'un véhicule soit mieux assuré que votre... Bien. Voilà, on continue comment ? Merci, Céleste. Il y avait beaucoup de choses avec lesquelles j'ai pensé, j'ai réfléchi, j'ai senti beaucoup de choses. J'ai préparé... Et alors, on fait quoi, maintenant ? Par rapport à les journaux. Comment ? On va chanter. Sûr ? Loane. Loane ? On va parler, on va chanter, on va faire quoi ? Il sait où, Loane? Bon, ok, on y va? Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole, sans fumée, sans alcool, je vole, je vole. Elle me serrait hier, sous ce troublé, ma mère, comme si elle le sentait, en fait elle se doutait, attendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait le serein. Elle a fait comme de rien, et mon père démuni a souri. Ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus. Il y a gare une autre gare, et enfin l'Atlantique. Mes chers parents, je pars, je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Je me demande sur ma route si mes parents se doutent que mes larmes ont coulé, mes promesses et l'envie d'avancer. Seulement croire en ma vie, tout ce qui m'est promis. Pourquoi, où et comment, dans ce train qui s'éloigne

La première fois où t'es venu au GEM, tu t'en souviens? Tu te souviens de l'époque de... Il y a 6 ans. Ouais. 2012 alors? Je sais pas, oui, sûrement. Tu te souviens un peu de... 2012, ça fait 2012, 6 ans. Sans doute. Oui. Et comment t'es arrivé là? Par ma voisine. Elle m'a dit que le GEM était pour tout le monde. Alors je suis venue. J'ai bu un café, j'ai fait connaissance de Lucie, Aude, mais elle est en congé de maternité en ce moment. Mmh. Et puis il y avait Maryse, voilà. Et tu t'es sentie bien tout de suite? Oui, oui, on a fait de la poterie avec Maryse, on a fait du dessin, de la sculpture, des gravures. Et tu viens tous les jours? Oui, je viens tous les jours. Depuis 6 ans, tous les Depuis jours. 6 ans, oui, à peu près. J'ai fait la connaissance de François, Dominique. Etc., quoi. Tu les vois en dehors du GEM? Non, non. Non? Non. C'est des copains du GEM? Du GEM, oui. Qu'est-ce qui te plaît le plus au GEM? Le jardin. Le jardin. Le jardin, il est formidable. Il est beau, ouais. Oui, oui. On a planté des tomates. Ah oui? Elles sont où? Elles sont là-bas. Elles ont donné? Oui, oui, beaucoup, oui, oui. Beaucoup. Là, c'est la fin, il n'y en a plus. Ah, d'accord. Tu t'assois là, à chaque fois, là où t'es... Oui, ou sur la table, là-bas, quand on y mange. D'accord. On mange dehors, on fait le coin de cuisine. Oui, on épluche les légumes, on... Oui, oui, tout le monde y met à la pâte. Il y a le coin musique, là-bas. Ouais. T'en fais? Non. Non? Non, non. J'écoute. Le piano, il est à l'intérieur, là-bas. Mmh. J'écoute Lucie quand elle en joue. Je sais pas y jouer, piano. T'as pas envie d'essayer? Si, mais... Faudrait qu'elle me montre. Famille? Non, je ne sais pas. En fait, ça, c'était des enregistrements qu'on a fait à l'occasion des 10 ans du GEM de Montreuil qu'on a fêté cette année au mois d'octobre. Voilà, donc c'était des témoignages de GEMeurs sur leur arrivée au GEM. Et je ne sais pas s'il y en a qui veulent... Comment dire? Ah oui, il y avait une annonce de François. Et puis après, s'il y en a qui veulent rebondir soit sur ces voix qu'on a entendues qui nous viennent du GEM de Montreuil, ou peut-être aussi sur des événements qui ont eu lieu pendant les 2 semaines. Oui, je voudrais faire une annonce. Il s'agit d'une réunion où il y a 4 GEM. 4 radios, 4 GEM. Les radios donnent une puissance aux GEM incommensurable. C'est énorme, les radios. Ça permet de communiquer avec le monde extérieur de se faire des amis et de faire connaître le GEM et de faire connaître l'idée. Moi, je voudrais, mais c'est mon souhait, mais vous n'êtes pas obligé de le partager, que comme il y a 10 ans, il y a eu une réunion inter-GEM des GEM d'Île-de-France, qu'on recommence la même épreuve, qu'on refasse une réunion des GEM d'Île-de-France. Si vous êtes favorable, parlez-en dans vos GEM et vous verrez vos présidents, vous en parlerez au président de votre GEM et on se contactera avec le président pour voir comment on pourrait dire une réunion des GEM d'Île-de-France. Voilà ce que j'avais à dire. Mais c'est vrai que quand on se retrouve dans des occasions comme aujourd'hui, ça donne envie de ne plus s'arrêter et de continuer et de se renouer les liens. Et c'est vrai qu'il existe quand même des inter-GEM déjà. Les GEM du 93 et certains du 95, on a l'habitude depuis 2 ans maintenant de se retrouver tous les 3, 4, 6 mois pour des inter-GEM et qui sont des moments assez intenses et de partage. Il y a aussi un inter-GEM au début du mois de juin qui se passe à Marmande dans le Gers, dans le sud-ouest de la France, qui est un inter-GEM national. Alors, je ne sais pas si les inscriptions sont encore ouvertes, mais je crois que c'est plus que des places sous tente. Mais en tout cas, le GEM de Bondy, le GEM de Saint-Denis, peut-être le GEM de Persan, je crois, et Arnouville vont traverser la France pour aller à cet inter-GEM. Et effectivement, c'est des occasions de rencontrer d'autres lieux, voir comment ça se passe ailleurs et faire des ponts, renouer les liens, comme tu dis, François. Comment ? Et d'échanger les idées. Et je me demandais sinon... on vient de traverser 2 semaines, 2 semaines de la folie ordinaire. On s'apprête à entamer le dernier week-end de ces semaines. Et je me demandais si parmi les gens qui sont là, il y en a certains ou certaines qui ont envie de raconter ce qui s'est passé là pendant 2 semaines. Soit il y a eu des soirées de lecture, je crois. Il y a eu plein de choses, des projections. Au revoir, François. Des projections, plein de choses. Alors, si vous avez assisté à des rencontres, des événements, des projections dont vous avez envie de dire quelque chose, je vois, comme ça fait 3h30 qu'on fait de la radio, on commence à me fatiguer. Bah, en attendant que les quelques personnes qui veulent parler des événements auxquels ils ont assisté se rapprochent, en attendant également que les personnes qui proposent des ateliers demain et dimanche, enfin, qu'on voudrait avant la fin... de nos 4 heures, on voudrait vous parler un peu de ce qui va se passer samedi et dimanche, mais là on n'est pas encore tous réunis pour le faire. Donc là je suis en train juste de juste vous rappeler que les semaines de la folie ordinaire vont avoir en effet trouvé leur point d'orgue. Là c'est le moment où tout le monde se réunit et où toutes les questions qui ont traversé les jours précédents vont converger. Je redis quelques mots sur la réunion du 23, qui était en plein air ici. On a commencé, je pense, à approcher quelque chose qui s'appelle co-construction, parce qu'il y avait des patients, des professionnels, des personnes qui se situent pas précisément d'un côté ou de l'autre comme ça. Et donc, on commençait à échanger... sur nos envies, enfin ce qui participe de l'envie de faire les semaines de la folie ordinaire, c'est d'une part bien sûr de montrer toute la créativité. Alors c'est l'expo d'aujourd'hui, c'est cette créativité de faire des radios, de faire des films, de montrer toutes ces choses qui se fabriquent comme ça, souvent en collectif et à plein, qui font du bien aux gens qui les fabriquent, mais qui sont aussi qui font aussi du bien à découvrir et qui participent vraiment de ça, c'est aussi une forme de déstigmatisation, montrer tout ce qui peut advenir de créatif dans les lieux qu'on appellerait de soins ou d'accompagnement. On pense que ça fait c'est une belle chose pour parler de nous autrement que justement sous l'angle de pathologie ou de handicap ou de ces mots qu'on a traversés aussi tout à l'heure. Peut-être que depuis que je meuble, quelqu'un a envie de prendre la parole pour raconter quelque chose auquel il aurait assisté depuis le 18. Je voulais compléter en fait pour dire que ce qui est important aussi, ce qui joue ici aussi, c'est les espaces de rencontre et les temps de rencontre en fait, parce qu'apparemment ça n'existe pas vraiment, ça n'existe plus vraiment en fait dans la société ou dans les espaces aussi de la psychiatrie, des temps où on réfléchit ensemble sur ce qu'on fait et ce qu'on veut faire dans le futur. Et donc c'est important ces temps, mais là on se rend compte qu'en 4 heures de radio, on a eu beaucoup de temps et il y a eu beaucoup de silence et aussi beaucoup de jolis moments, mais le temps est long parfois. Est-ce que dans les deux semaines où il y a eu aussi des... Allô? Habiba. Oui, excusez-moi. Je l'ai déjà fait avec Christophe, le découpage. On l'a fait ensemble. On a choisi les mots. Hein, et c'est moi, j'ai choisi le fond d'écran. Et c'est tout. Tu parles de l'affiche qu'on a fait pour le 22, les paysages de la folie. Oui. Ordinaire. Oui. Ouais. Effectivement. On a fait une affiche, on a organisé une soirée qui avait lieu à Saint-Denis. On s'est réunis aussi, on a entendu des extraits de cette soirée tout à l'heure. Ouais. Oui, on l'a fait tout. Il n'était pas là, Jean. Si, si. Si. Eh ben, je peux pas savoir. Hein. Il y avait aussi. Je me rappelle même plus. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup d'événements ces 15 derniers jours. Peut-être on peut donner la parole à Cécile qui a aussi participé à toutes ces histoires. J'en profite de son arrivée. Mais en plus, je suis très fière de moi. Ouais. Mais raconter ton arrivée dans ce collectif peut-être, ou un petit peu, ou en tout cas les soirées que vous avez organisées à Paris 8. Oui, c'est vrai que j'avais envie quand même de partager de nouveau... quelque chose de ce qui s'est passé notamment à Paris 8, mais pas que. Il y a eu aussi les différentes émissions de radio que j'ai traversées comme ça, et puis dans le cadre de ces semaines, celle aussi qui a été à Paris 13 et à laquelle certains étudiants de Paris 8 se sont rendus. Et effectivement, ensuite à Paris 8, il y a eu deux moments extraordinaires de la folie ordinaire, et c'était vraiment... Je suis pas venue justement en parler jusqu'à présent parce que je trouvais que ça avait déjà été évoqué aussi, et c'était qui était très intéressant, c'était à la fois la façon dont les films ouvraient des choses, la moindre des choses, et ce gamin-là étaient donc des films qui ont fait beaucoup parler et qui ont fait parler plein de gens différents, puisque diverses personnes se sont rendues à Paris 8. Pas seulement des étudiants, et c'est ce qui était vraiment très chouette, le fait qu'il y ait vraiment plein de personnalités différentes qui étaient présentes, et que la parole circule comme ça après, que chacun puisse dire ce qu'il avait ressenti pendant la projection, et du coup les débats et les échanges étaient très nourris et très intéressants, et voilà, donc c'était vraiment extraordinaire. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont fait vivre ces moments. Voilà. Ouais. Et effectivement, on en a parlé au début de l'émission, c'est des choses qui sont ressorties, ces deux projections-là, assez vite. Et Morgane aussi, tu voulais dire un mot sur la journée de samedi dernier ? Ouais, mais alors, en fait, pour dire aussi que ce qui est assez chouette dans ces semaines de la folie ordinaire, c'est que finalement, il y a plein d'événements disséminés à différents endroits. Et que j'ai l'impression que finalement, là, en arrivant à la fin de ces deux semaines, il y a des choses qui se rencontrent et qui se répondent. Et je pensais notamment au film qui a été projeté samedi dernier au cinéma Le Saint-André-des-Arts, un film de Sophie Bruneau qui s'appelle « Rêver sous le capitalisme », qui est un film que je découvrais magnifique avec... En fait, en fond sonore, des personnes qui racontent les rêves qu'ils ont faits dans des situations de burn-out ou de surmenage dans des entreprises ou dans des hiérarchies, ou en tout cas dans des situations professionnelles où à un moment donné, ça n'avait plus aucun sens pour eux, et ils ne savaient plus ce qu'ils faisaient là, et finalement, c'est leur rêve qui parlait de ça. Et du coup, Sophie Bruno a fait le choix de, comme ça, collecter difficilement. Je dis difficilement parce qu'en fait, elle faisait le parallèle avec Rêver sous le Troisième Reich, où elle racontait qu'à l'époque, quand ce... Je sais plus comment elle s'appelle, cette personne avait fait ce... Elle avait réussi à collecter 200 rêves de personnes qui parlaient de qu'est-ce que c'était de vivre dans un système totalitaire. Et qu'elle, finalement, en 5 ans où elle a réalisé son film, elle avait difficilement réussi à collecter 20 rêves et que c'était finalement très difficile pour les gens de parler de ce qui se passe dans ces situations-là. Et que finalement, parler des rêves, c'est très beau parce que ça permet de continuer à rêver dans des situations où les gens arrivaient au bout de ce qu'ils pouvaient donner. Donc voilà, une rencontre avec ce film magnifique. Et donc ça, c'était le samedi. Et 2 jours plus tard, à La Parole Errante, enfin, la librairie de La Parole Errante, qui s'appelle la librairie Michel Firk, dans le cadre des ateliers des accès, on accueillait Anne, qui venait faire une lecture d'un texte magnifique qu'elle a écrit suite à une situation similaire, ou en tout cas dans un moment de surmenage professionnel, mais qui faisait écho à d'autres choses. Et elle raconte comme ça... de façon très intime, en le partageant magnifiquement, tout ce qui s'est passé pour elle avant et pendant son passage à l'hôpital. Et moi, tout ce qu'elle se disait dans ce texte très beau me faisait beaucoup écho avec ce rêve, avec ce film, ce rêve, Rêver sous le capitalisme. Et je me disais que dans le texte de Anne et dans ce film, il y a quelque chose où on a l'impression que les corps vont tenir et les corps tiennent, et que les gens ont l'impression que si ils peuvent tomber malades, c'est que sur le plan somatique, c'est que le corps qui peut craquer. Et en fait, bien souvent, c'est pas le corps qui craque, mais c'est autre chose. Et que voilà, je trouvais que c'était très beau et que je pense qu'encore ce week-end, il y a des choses qui vont se tisser, faire écho avec ce qui s'est passé là pendant 15 jours, et notamment toutes ces rencontres qu'on fait pendant la construction de ces événements, parce qu'en fait, c'est ça aussi qui est important, là. C'est les 2 semaines où les événements ont lieu, mais ça fait plusieurs mois qu'on se réunit, qu'on se rencontre, qu'on essaye de tisser les choses ensemble pour construire cet espace de pensée, d'air, de respiration. Donc... voilà ce que je voulais dire. C'est vrai que moi aussi, ce film m'a marqué, Rêver sous le capitalisme. Et puis en sortant avec Marie-Paul, on se disait, mine de rien, il y a quand même un autre fil pendant ces 2 semaines. C'est aussi la question du travail et du rapport au travail qui était là, était abordé par la question des rêves. Mais que tout au long des 2 semaines, que ce soit dans des lieux de soins, dans des cinémas, dans des facs, il y a eu aussi cette question-là du rapport au travail ou au non-travail. Mais... voilà, notamment par ce film Rêver sous le capitalisme, et puis par je crois qu'il y a eu 3 journées différentes à l'université aussi sur cette question du travail. Donc là, c'était un autre biais, plus par aussi les universitaires, mais voilà, qu'il y avait plusieurs fils, comme tu disais aussi, Morgane, qui se recroisaient les uns les autres pendant ces 2 semaines. Et moi, la nuit suivante de la projection de Rêver sous le capitalisme, j'ai rêvé qu'en fait quelqu'un m'étranglait, mais c'était pas problématique, et que je criais même pas. C'est très bizarre, mais je pense que l'étranglement, ça venait vraiment du film. Bon, là, alors on pourrait parler de plein de choses, mais je suis avec Mustapha et on était tous les deux. Morgane, tu voulais rebondir? Oui, non, je voulais juste dire que... Enfin, ça me faisait penser au film où justement, en fait, les rêves, le contenu des rêves racontés était beaucoup autour de gens qui se voyaient mourir ou qui voyaient des morts et ne savaient plus si c'était eux ou si c'était quelqu'un d'autre, mais il y avait quelque chose où se voyaient zombifiés, momifiés, et il y avait quelque chose autour de le travail me tue et je me vois mourir sans pouvoir rien faire. Voilà, du coup, ça me faisait juste penser à ce que tu disais. Oui. Alors, effectivement, il y a eu plein de choses qui se sont passées autour du travail, mais je pense que d'autres en parleront. C'était assez passionnant, les choses qui sont passées à Paris 13, notamment. Mais donc, moi, je suis avec Mustapha et on a partagé toute une après-midi. C'était vendredi dernier, justement. Hein. On s'est retrouvés à l'hôpital de jour de Bondy. Et ensuite, on est parti en tram. Et ensuite, on est allé à la librairie Folie d'encre faire une lecture du Moulin à Parole et des Cahiers pour la folie. Donc, je parle un petit peu, et puis Mustapha, il va parler plus après. Donc là, c'était magnifique, la lecture à l'hôpital de jour de Bondy. C'était lecture d'écrivains et de poètes de littérature noire, je crois qu'on dit. Antillais et africain. C'était très très beau. Et c'était une lecture par diverses personnes qui fréquentent l'hôpital de jour de Bondy, qui sont accompagnées par Stéphanie Béguin et Leïla Lemaire. Et ensuite, on est allé dans le jardin, parce que c'est un bel endroit. Et on est allé dans le jardin voir du jus d'orange et manger des gâteaux. Et puis ensuite, on a pris le tram. Tu racontes la suite, Mustapha ? On a pris le tram et on a Askar a monté, il a pris une peluche, il est haut et il disait tiens, ma peluche, elle tient. Et c'est très marrant. Et on a fait le départ de Stéphane Jung. Stéphanie de Monaco, comme on dit, non. Après, on a fait encore le pot de départ à la mairie. Après, à la librairie, il y avait des poésies, il y avait des poèmes, il y avait des textes. Et on a parlé aussi de la femme aussi, on a parlé aussi de des poésies de qui se passaient dans le journal. Et c'est vrai que on a parlé aussi de beaucoup de choses. Mais moi j'ai bien aimé aussi c'est que l'hôpital de jour, ils ont parlé aussi de des textes d'Afrique du Sud, des îles et de l'Afrique. Et moi j'ai bien aimé aussi c'est que les textes que j'ai écrits avant sur les femmes sur le rap, j'ai écrit un texte de rap aussi dans un ancien centre à Saint-Denis qui s'appelle Le Page. Et il y avait des psychologues là-bas. Mais c'était pas des psychologues, c'était des psychologues que vous pouvez tutoyer. Et c'était aussi des. Je crois que c'était des psychologues que. Qui travaille ailleurs et au Page. Et je sais que bon. C'est quoi le Page ? C'est point que jeune. À Saint-Denis. Okay. Non. C'est à Saint-Denis, il y en a aussi à Grâce-Ouest. Et il y a un atelier rap. Et c'est vrai qu'on a fait aussi. Il y avait un buffet, il y avait à manger, à boire. Moi, je viens à manger, à boire comme ça. Je suis pas parfait. Mais je sais que oui. Il y avait un psychologue, il s'est fait Nicolas, il a dit faut pas oublier d'où l'on vient. Moi, je suis un et Ferdinand n'est plus suisin. Alors, on est tous frères. Que ce soit Libanais, Tunisien, Turc, suisin, on est tous frères. Voilà. Mais c'est vrai qu'en France, il y a plusieurs richesses. Il y a beaucoup d'origines aussi. Il y a beaucoup de choses aussi. Et c'est vrai que ça c'est bien. Moi, j'ai entendu un français, ça aussi bien ça. Mais c'est bien aussi les richesses. Quoi. Après, ça va en dire parce que on est tous humains et justement, c'est que. Moi, je suis quelqu'un qui pardonne, c'est vrai, mais aussi, c'est que. Ouais. Et c'est vrai que j'aime bien aller écrire des poèmes qui improvisés et aussi. Qui sont aussi des manuscrits. Et c'est bien. Merci pour ce témoignage. Mais on va écouter une improvisation, peut-être, des Harris maintenant, pour poursuivre les. Non ? Une impro de l'hôpital de jour, pardon. Un impro de l'hôpital du jour. Une impro assez travaillée. Hein. Ce n'est pas difficile si tu veux me revoir. Ce n'est pas compliqué si tu veux m'embrasser. Ce n'est pas difficile si tu veux me revoir. Ce n'est pas compliqué si tu veux me parler. Allô, allô, allô. que tes journées. Si tu n'as pas le téléphone, tu prends le taxi. Si tu n'as pas 50 francs, tu prendras l'autobus. Si tu n'as pas de caillasse, viens donc dans ma maison. Maison, maison, maison, maison. On peut tourmenter un peu. Si tu veux me parler, allô, allô, allô, allô, si tu veux me téléphoner. Si tu n'as pas le téléphone, tu prends le taxi. Si tu n'as pas 50 francs, tu prendras l'autobus. Si tu n'as pas de caillasse, viens donc dans ma maison. Maison, maison, maison, maison. Ce n'est pas difficile si tu veux me revoir. Ce n'est pas compliqué si tu veux m'embrasser. Ce n'est pas difficile si tu veux me revoir. Ce n'est pas compliqué si tu veux me parler. Allô, allô, allô, allô, tu veux me téléphoner. Si tu n'as pas le téléphone, tu prends le taxi. Si tu n'as pas 50 francs, tu prendras l'autobus. Si tu n'as pas de caillasse, viens donc dans ma maison. Maison, maison, maison, maison. À la maison, nous chantons. À la maison, nous parlons. À la maison, nous déjoyons. À la maison, nous repassons. À la maison, nous chantons. À la maison, nous discutons. Maison, maison. Maison, maison, ce n'est pas difficile si tu veux me revoir. Ce n'est pas difficile si tu veux m'embrasser. Ce n'est pas difficile si tu veux me revoir. Ce n'est pas difficile si tu veux me parler. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, de Saint-Denis. On essaye encore. Si on mangeait plus souvent, voilà. Ce serait une question. ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo les va? Los colifatos lo estamos esperando. Pueden comunicarse al teléfono 4554-4356. Muchas gracias. Les Pyrénées, la cantine, c'est bien. J'en connais une seule, à Pyrénées. Les autres, je ne les connais pas. On mange bien, surtout on visite. On installe, on rencontre des gens qui travaillent à la folie. Si on mangeait plus souvent, ce serait bien. C'est tous les ans comme ça, c'est bien. Voilà, alors on va arriver au bout de cet après-midi de radio. Je voulais juste rappeler que des rencontres se poursuivent à la Parole Errante demain, samedi 30 mars, et qu'un premier rendez-vous a lieu à 14h. Est-ce que tu... Oui, pour une plénière. Ah, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Alfredo, s'il vous plaît. Donc oui, les rencontres se poursuivent de la semaine de la folie ordinaire ce week-end. Et demain, il y a un rendez-vous à 14h pour une plénière et une série d'ateliers, donc de discussions en plénière et en petit groupe. Il y aura en tout 7 ateliers. Est-ce que je lis ces 7 ateliers ? Est-ce que vous voulez un peu présenter chaque atelier qui aura lieu demain jusqu'à donc de 14h30 à 16h, puis pause d'une demi-heure, bar, ouverture du bar, puis 16h30-18h, 7 ateliers qui se dérouleront dans plein d'endroits de la Parole Errante. Non mais attends, il laisse le... Qui porte sur... vas-y, explique-nous un petit peu. Et ben, c'est du coup plusieurs ateliers tout au long du week-end. Donc effectivement, il y a samedi après-midi et dimanche. Et donc là, pour commencer, l'après-midi du samedi, c'est à la fois un atelier autour de ce qui s'appelle donc l'e-santé, la santé numérique mentale, qui est le thème des semaines d'information à la santé mentale, qui a été choisi cette année. Et du coup, en contrepoint de ça, il y a un atelier qui parlera notamment avec le collectif Écran Total. Je ne sais pas si Cécile, tu veux dire un mot ? Oui, après, je ne sais pas si... d'autres personnes peuvent en parler aussi, mais effectivement, avec le collectif Écran Total, on animera un atelier en prenant pour base les expériences personnelles de chacun, de ceux qui voudront bien participer à l'atelier, et donc en se servant aussi des réflexions qu'on mène à Écran Total depuis plusieurs années, voilà, notamment ici aussi, à Michel Firk, entre autres lieux. Voilà. Et un autre atelier qui s'appelle Forme d'organisation dans les luttes, syndicats, syndiqués, non syndiqués, quelles alliances ? Et Lucie, oui, si tu veux. Oui, du coup, pour situer un peu, c'est qu'on a eu à quelques-uns, quelques-unes, cette année, envie d'aller réfléchir un peu plus sur des façons de lutter ensemble dans le soin ou dans le travail social, ou même de réfléchir un peu plus à ça. Du coup, on s'est pas mal réunis. Il y a plusieurs ateliers qui ont pour but de travailler un peu ces questions ensemble. Donc, ce deuxième atelier sur la question des luttes syndicales et non syndicales, c'est pas vraiment d'aller dans l'opposition des unes par rapport aux autres, mais de réfléchir à ce que sont devenus les syndicats. Est-ce que c'est encore des outils pour les travailleurs? Ou est-ce qu'on peut s'organiser en dehors et gagner quand même du terrain. Et l'atelier d'après, c'est autour, je crois, de où en sont donc les clubs thérapeutiques et les associations de secteur. Et voilà, ça, je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais c'est autour de ces questions-là, liées à l'économie sociale et solidaire, et où on en est, je lis, à l'heure du social business. L'atelier suivant, il n'y a pas non plus les personnes qui l'animent, mais c'est autour des questions de précarité. Ah, si, et bien Diox, si tu veux en dire deux mots. Super. Ah, oui. Donc, l'atelier précarité, ce sera surtout autour de l'AAH, des difficultés que les gens peuvent rencontrer pour l'avoir, de savoir s'il y a des gens qui ont des problèmes, de savoir comment ça marche, de voir ça aussi par rapport à toute... tous les trucs qu'il y a contre les chômeurs en ce moment, quoi. Donc ce sera... il y a aussi on a un peu le projet de faire un guide de lieux ressources, un guide autour de l'AAH ou des choses comme ça. Donc on espère qu'il y aura une suite à cet atelier, quoi. J'ai entendu parler d'une cartographie aussi, d'une tentative de guide et de cartographie. De cartographie des lieux qui peuvent aider les gens qui sont à l'AAH, tout ça, ou qui la demandent, ou les autres précaires, quoi. Et puis bah, l'atelier d'écriture dont on a un peu entendu parler déjà aujourd'hui et donc qui aura lieu demain, vous avez eu un aperçu tout à l'heure. Voilà. Et les deux autres ateliers, c'est Faire Taire et Faire Taire TE2RE. Et fabrication de banderoles, création de slogans et choses variées. Je ne sais pas si Arnold est dans le coin, mais en tout cas, il a... Arnold, je te vois accoudé au comptoir, mais je crois qu'il y a tout un tas d'objets à bricoler demain après-midi. D'ailleurs, il y a encore des gens ou déjà des gens en train de faire taire pendant qu'on fait de la radio. Mais Arnold, qu'est-ce que tu nous apportes demain pour l'atelier qui n'est plus linogravure, qui n'est plus non plus pyrogravure, mais qui est J'apporte des timbres. Des timbres et des stylos très fins. Et non, j'apporte une collection de timbres à customiser, marqués France dessus, tous. Et un carnet que j'ai trouvé dans la rue d'une jeune femme qui apprend le français. Donc on va voir ce qu'on peut bricoler à partir de ça. Donc c'est atelier timbré. Atelier timbré. Atelier timbré. Et voilà, la journée avec tous ces ateliers, ces discussions, se terminera par une performance théâtrale Merci par Lior, un repas, un concert, danse, tutti quanti. Et se prolongera donc à nouveau le dimanche. Et je ne sais pas si je passe la parole à... Ah, alors Yulia fait un signe en chuchotant, mais je vais plutôt lui passer le micro. Un petit détail, mais qui est quand même important, c'est que dans le programme du week-end, on a oublié de mettre qu'il y a un repas à partir de 12h30 le dimanche, avant les ateliers, pour qu'on soit en forme, par la cantine des Pyrénées. Et voilà, et puis je vous laisse la parole pour la suite des ateliers. Demain soir aussi, un repas, une cantine, toujours à prix libre, par les collectifs des Baras. Voilà, ça c'est important quand même. C'est ici, tout est ici. Tout est toujours à la parole errante. Ouais, ce programme, vous pouvez quand même le retrouver en ligne sur le blog de SDLFO. SDLFO Paris 2018. Alors, il s'appelle comme ça parce qu'on l'a créé l'année dernière, mais il y a bien le programme de 2019. Donc, pour le samedi, donc, la question... Enfin, la question des luttes est centrale, puisque les luttes en psy, dans le travail social ou dans le médico-social, elles sont apparues récemment, en fait, depuis quelques mois. Et ça, quand même, c'est quelque chose qui est en ce moment, qui est devenu un peu plus visible qu'auparavant. C'est-à-dire que ça fait des années que des tas de gens dénonçaient les pratiques inhumaines, toute la dérive. Bien sûr, du fait du manque de moyens pour accueillir les gens dignement et tout ça. Mais depuis que les grévistes et que les infirmiers, depuis qu'il y a eu des grèves, en fait, et des manifs et tout ça, cette question est en train de... Enfin, on a l'impression que maintenant, les citoyens, ils se rendent compte un peu de ça. C'est devenu une question que de plus en plus de gens, de plus en plus de gens sont au courant. Donc comment organiser ces résistances, ces luttes, parce que c'est toujours être capable de se battre longtemps et donc de ne pas rester dans un isolement et donc de mettre en lien les différents collectifs qui se sont mobilisés depuis quelques mois. Dimanche, c'est quelque part quelque chose qui prolonge cette question, c'est il y a des luttes pour, au fond, ce que les politiques entendent, c'est qu'il y a besoin de moyens et de moyens humains. Mais la particularité, tout le monde se dit qu'il faut des moyens pour la santé, ça paraît logique. Après, quand il s'agit de la psychiatrie, c'est toujours un petit peu déjà plus étrange parce que c'est pas des moyens pour faire n'importe quoi, c'est pas des moyens, c'est pas plus de matons, c'est pas plus de surveillance, c'est pas plus de... Il faut des gens qui aient des conditions pour pouvoir soigner, accueillir dignement. Et donc, c'est aussi s'expliquer un peu de ça, c'est-à-dire quels sont... parce que le point commun des gens qui se sont mobilisés... Je parle un peu toute seule avec l'espoir, mais pardonnez-moi, je suis longue. On écoute. En fait, le point commun de ces collectifs, je pense voilà, aux infirmiers à Pinel en Lutte, les gens du Havre, les perchers du Havre, l'hôpital du Rouvray, où il y a eu une grève de la faim carrément. Ces gens-là, ils disent aussi que le sens de leur métier, ils sont en train de le perdre parce qu'ils ne peuvent plus le faire. Ils ne peuvent plus le faire parce qu'ils sont mangés par les tâches, genre remplir l'ordinateur de conneries. Ça, c'est un atelier qui aura lieu, enfin, c'est un thème qui est abordé dès le samedi. Mais ils revendiquent que pour soigner en psychiatrie, ce qui est important, c'est, alors on l'appelle, on cherche des mots, hein, le soin relationnel, enfin en tout cas, rencontrer les patients, les connaître et essayer de faire avec eux des choses qui font du bien, quoi. Voilà, donc le dimanche, on essaiera de... Enfin, mon espoir, en tout cas à moi, c'est que de plein de bords différents de cette question, qu'on puisse partager dans l'idée que ce soit compréhensible, pourquoi on peut fonder... pourquoi on peut se dire qu'il y a des pratiques en psy qui peuvent être des pratiques de soins ou, alors, voilà. Et ce mot est sorti depuis quelque temps, pratique émancipatrice. Ça a été lancé par le printemps de la psychiatrie pour un renouveau des soins psychiques. Voilà, bah c'est un mot qui est quand même énorme. Et l'émancipation, ça se discute un peu et ça se discute, est-ce qu'on y croit et comment c'est possible et voilà, y compris dans les GEM, y compris voilà, c'est une réflexion qui traverse plein de collectifs soignants-soignés aussi. Enfin voilà. Voilà, donc j'ai été un peu longue pour vous expliquer pourquoi le lendemain, on a le sentiment qu'il y a encore des choses à discuter. Trois ateliers qui sont déjà prévus, mais il n'est pas exclu que cette plénière donne des idées d'autres ateliers. Parce que si on a trouvé samedi, demain, sept ateliers, deux de pratiques artistiques et voilà, cinq de discussion. Donc on aura bien trouvé cinq espaces. Donc le lendemain, s'il y a des nouvelles questions qui émergent, qui ne sont pas dans le programme, elles peuvent trouver un espace d'atelier. Voilà. Et donc sur les ateliers qui eux sont déjà prévus, eh bien, il y a un atelier qui s'appelle La santé mentale, c'est bon pour le capital. Donc c'est un petit slogan Made in Humapsy 2014 dans une Mad Pride. Voilà. Là, on évoquera le bouquin Psychiatrie, l'état d'urgence par des gens qui l'ont lu. Ils se sont dévoués. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce qui est dans les tuyaux pour récupérer au fond, voilà, maintenant tout le monde est au courant, il y a un problème, il manque de moyens, mais il y a des gens qui ont tout pensé à des solutions qui coûtent rien et qui même rapportent de la thune, donc on parlera de ça. Et puis il y a un autre atelier derrière et je vais passer la parole enfin à Pierre-André qui va vous le présenter. Voilà, donc c'est un atelier sur le soin, l'autonomie. Ça s'intitule Le soin entre autonomie et contrainte. Oui, je mets. D'accord. Alors, c'est un atelier qui s'appelle Le soin entre autonomie et contrainte. Donc, dans cet atelier, on parlera du soin, de comment, dans la société, le soin il se développe d'une façon post-fordiste où tout est compté, calculé. On interrogera les pratiques dans le soin, la question du consentement au soin, la façon dont le consentement au soin, c'est que surtout en santé mentale, c'est en fait, en santé en général, c'est que les gens ils sont pas informés de ce que les soins, ça peut avoir des conséquences, tout ce qu'ils peuvent vivre, ça on leur dit pas souvent. Les questions du consentement du soin, c'est un peu plus spécifique à la psychiatrie. C'est qu'en fait, des fois, les gens ne sont pas d'accord, mais ils n'ont pas leur mot à dire, qu'il y a les injections, plein d'autres trucs, les médicaments connectés, tout ça, pour faire dans le thème de l'année. On interrogera le rapport de domination et d'infantilisation qui est parfois présent dans le soin, les questions de l'enfermement. Tout ça pour un alibi de risque qui est lié à la maladie mentale. Ce risque qu'on entend souvent pour des fois il se passe des histoires, mais en fait quand on remet ça, moi j'avais réfléchi la dernière semaine de la folie ordinaire quand j'étais venu à Montreuil en rentrant dans le métro, je m'étais dit qu'en fait il y avait beaucoup plus de chances de mourir de faim dans le métro que d'être agressé par quelqu'un qui avait une crise psychotique. Donc, en fait, on parle beaucoup de ça à la radio et à la télé. mais c'est un peu monté en épingle pour vendre les médicaments, tout ça. Il y a aussi la contrainte hors des murs, comment on est suivi, comment on est enfermé, même quand on est chez soi maintenant, comment c'est exporté le fait d'être enfermé avec les médicaments, le contrôle, tout ça, plein de trucs. Voilà. Voilà, puis aussi on essaiera de s'interroger sur l'autonomie du soin, comment on peut ne pas dépendre du soin, comment on peut se débrouiller soi-même, améliorer sa santé, enfin, selon les personnes qui sont, ce que les personnes voudront dire. Voilà, merci. Et donc tout ça, c'est samedi à partir de 14h et dimanche à partir de midi. Il y a encore un... C'est samedi... samedi, donc accueil à partir de 14h autour d'un café, plénière à 14h30. Une heure et demie à peu près plus tard, une petite pause d'une demi-heure, puis une heure et demie d'atelier. Ça nous mène à 18h. Et le dimanche, on peut venir dès 12h30 pour le repas à prix libre. Café en fanfare avec la fanfare des soufflez-moi avec la fanfare invisible. Plénière à 14h jusqu'à une demi-heure de pause, une heure et demie d'atelier et la fête après. J'ai oublié, mais nous avons la chorale comme des vénères. Cœur des vénères. Et ensuite, c'est tous ceux qui restent seront invités à nous aider à ranger. Mais peut-être en faisant la fête un peu aussi. Ou pas. Merci. Merci. Au dernier moment, on a reçu la présence, la visite de monsieur Mehdi Bouassa. Ça va. Aujourd'hui, tout le monde s'est questionné. Où est-ce qu'il est, Mehdi Bouassa? Et tout le monde l'a demandé ça à Abdel. Alors? C'est moi. Mais ça va? Ouais, moi, ça va. Et vous êtes arrivé à la fin? Ouais, je suis arrivé à la fin. Pour une raison non spéciale ou... Non, il n'y a pas de raison. Je savais pas, il y avait la radio. Mais Mehdi, on est quel jour aujourd'hui? On est mardi. Et c'est quand qu'il y a la radio? Mais le mardi. Et ça a lieu où la radio? Mais ici. Et à quelle heure? Vers 2h. Il est quelle heure là? Mais là, il est 4h. Et pourquoi vous n'êtes pas venu à 14h? Je savais pas. Tous les mardis à 14h. Au TDG, la radio Saint-Nom. Pour communiquer et pour dire ce que tu fais dans la vie. C'est ça quoi, c'est ça aussi. Je savais pas. Tous les mardis à 14h, au TDG, la radio Saint-Nom. Je savais pas. Au TDG, la radio Saint-Nom. Bonjour, je m'appelle Jérôme, j'ai fait une première bouffée délirante il y a 4 ans et j'ai été diagnostiqué bipolaire après une année d'exploration. Avant d'être atteint par cette pathologie, j'ai été un militant très actif dans les mouvements citoyens tels que les Indignés en 2012-2013 ou plus récemment à Nuit Debout, surtout dans une commission nommée Debout Éducation Populaire. Dans mon parcours de rétablissement, j'ai initié un projet d'art-thérapie et j'ai écrit un recueil de poésie. Il contient 225 poèmes, dont les thématiques principales sont l'affect et l'analyse et la critique de la société. J'aimerais vous lire certains d'entre eux. Bon, je vous le lis. Tous ceux qui vous blâment d'avoir renoncé au vote vous fustigent d'amalgame et de rhétorique stérilisante. Cela installe une animosité ambiante, une atmosphère fratricide, cancérigène tel un pesticide, qui paralyse compréhension et écoute. L'école de la République a fait de nous des citoyens abdiques. Notre émancipation n'est pas son rôle, dans le capitalisme elle nous enrôle. Elle exacerbe notre égoïsme, normalise la compétition, étouffe la coopération, elle nous condamne au mutisme. La valeur de l'altruisme, l'importance de l'humanisme, l'indispensable altérité, sont sous une crypte, c'est la vérité. Par conséquent, nous devenons tous l'un des rouages entretenant les desseins d'une machine qui nous saccage, au service d'une minorité d'assassins. Notre allégeance perdure par la crainte et l'ignorance. Le règne de l'imposture conforte les injustices. Pour l'oligarchie et ses valets, nous sommes des vaches à lait. Parmi ses illustres serviteurs, les médias sont d'habiles manipulateurs. Ils nous disent « Votez utile ». C'est bien futile. Jamais un grand parti à nos malheurs ne compatit. Ou encore « Votez l'alternative ». Est-ce seulement possible que le changement enfin arrive ? C'est presque invraisemblable, surtout lorsque ce qu'on nous présente n'est probablement qu'une escroquerie. Le Pen, Macron, VS et la droite ne sont que les avatars de la duperie. Et pour les abstentionnistes, les menaces pleuvent. Vous serez responsable d'avoir laissé rentrer le diable, alors suivez nos directives. À quoi nous avons-nous acclimaté pour ainsi susciter la culpabilité ? Que le remords et la peur deviennent les armes des moralisateurs. Les politiciens, ces hommes de paille, acolytes du capital, sèment la pagaille et nous serons fatales. Après tous leurs mensonges, avec tous les espoirs brisés, est-ce encore sage de les laisser nous épuiser ? Tout cela n'est que du vent, leurs promesses ne valent rien, aujourd'hui comme auparavant. Ils resteront de ce système les gardiens. Le mythe de l'homme providentiel relève effectivement du démentiel. Seul le peuple peut changer son destin et faire de la démocratie pour tous un festin. Merci Jérôme pour ces textes qui nous rapprochent de la clôture de ces 4 heures d'émission avec la chorale des gêneurs. Est-ce que vous êtes prêts, la chorale ? Je crois que le micro de Pascal à la guitare ne marche pas, il me semble, celui-ci. Ah. Voilà. On vous en fait 2 dernières. Allez. Sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. De parler du bon temps qui est mort ou qui revient, en serrant dans ma main tes petits doigts. Donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Entendre ton rire qui les arde les murs, et surtout guérir mes blessures. Ta compte du tout, ta vino, ta cabine. Piquet chez le marchand, car on s'acclimito, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. Marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi. Et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux. Te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler. Bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer. S'arrêter, repartir en arrière. Tonté qui tourne les carambas d'antan et les cocoboères. Les frères ou doudou qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. Amasser sur un banc 5 minutes avec toi et regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort, je m'en fous. Te dire que les méchants, c'est pas nous. Que si moi je suis bas, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire qui remonte de le les fruits des oiseaux. Te raconter enfin que faut et l'aimer même si. Temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants. et Mistral gagnant. Merci, merci. J'en profite pour remercier toutes les petites mains qui ont installé depuis ce matin. Je sais, on va en chanter une autre. Mais c'était juste pour ne pas oublier. Merci pour les petites mains à micro qui nous ont aidés. C'est très, très gentil. Et l'installation depuis ce matin, faut aussi ne pas oublier les radios, de partir avec votre affiche. Je vois des gens du Vagalam là-bas qui va peut-être nous quitter. Donc vous pouvez aussi prendre l'affiche plateau radio si vous voulez. Merci Joachim pour l'atelier de Thibaut. Et on va entendre encore la chorale. Salade de fruits de Bourville. Pour le dessert. Mère, on t'a donné comme prénom salade de fruits. Ah, quel joli nom. Au nom de tes ancêtres hawaïennes, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Dis dans ma paillotte au bord de l'eau, y a des coconuts, y a des noix de coco. J'en ai plus à douter, je n'en veux plus. Le fruit de ta bouche sera le bienvenu. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Plongerai tout nu dans l'océan pour te ramener des poissons d'argent. Avec une coquillage lumineux, oui, j'en échange, tu sais ce que je veux. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Donner chacun de tout son cœur ce qu'il y en a en nous de meilleurs. Au fond de ma paillotte au bord de l'eau, ce palmier qui bouge, c'est un petit berceau. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à mon père, tu plais à ta père. Salade de fruits, joli, joli, joli. C'est toi le fruit de nos amours. Bonjour. Oui, excusez-moi, je voudrais juste attirer votre attention une petite minute. Vous avez écouté juste avant la chorale un de mes poèmes, je m'appelle Jérôme, et j'aimerais partager gratuitement par mail une copie non corrigée et non illustrée du recueil pour les gens qui seraient intéressés de venir me contacter. Voilà. Et pour ceux qui écoutent l'émission, je suis joignable à l'adresse mail verno.jérôme@gmail.com. Donc Verno, ça s'écrit V-E-R-N-E-A-U, et Jérôme avec un J. Voilà, merci. Merci, et puis au revoir tout le monde. C'est la fin des 4 heures. Merci d'avoir tenu bon. Et le lancement du vernissage et du week-end qui se prolonge. Bravo! À bientôt.